Comédie française et théâtre contemporain. Une émission de la Société des comédiens français, présentée et réalisée par Jacques Régnier. Ce soir, nous vous invitons à écouter « Les temps difficiles », pièce en quatre actes d'Édouard Bourdet, avec le concours de messieurs Louis Seignier, Robert Hirsch, Bernard Deran, Marco Béard, François Vibert, Jean-Louis Gemma, Simon N, Michel Duchaussois, mesdames Germaine Rouer, Claude Winter, Suzanne Nivette, Jeanne Boitel, Marthe Alicia, Maria Fromet, Denise Pezzani. 1934. Un coin de jardin devant la façade d'un château Louis XIV. C'est la fin d'un chaud après-midi de juillet. Madame Antonin Fort, mère, et Charlotte sont assises dans des fauteuils. Charlotte tricote une brassière. Madame Antonin Fort caresse distraitement un petit chien qui sommeille sur ses genoux. Loulou est étendu sur une chaise longue et lit. Ça devait se décider à la réunion de cet après-midi. Quelle réunion? Eh bien, la réunion avec ce monsieur Grenier qui représente le groupe de Lyon. Oh, Jérôme a tort de faire des affaires avec les Lyonnais. Ils sont trop forts, les Lyonnais. Mon pauvre mère, il se méfiait d'eux comme de la peste. Mais nous n'avons pas le choix, ma mère. Vous ne vous rendez pas compte que la situation est très difficile. Vous ne voyez pas la figure de Jérôme depuis 2 mois? Du reste, il y a de quoi. Morsan est complètement arrêté, j'ai mis cours aussi. La grangette ne marche plus que 3 jours par semaine. Quant à mes gens, on y achève une commande pour le ministère de la guerre que Jérôme a eu toutes les peines du monde à obtenir. Mais quand cette commande sera livrée, qu'est-ce qui se passera? On n'en sait rien. Mais pourquoi laisse-t-on Morsan et Gémicourt arrêter? Mais parce qu'il n'y a plus assez de commandes, ma mère. Et vous vous figurez que ce sont les Lyonnais qui vous en donneront? Eh bien, croyez-moi, s'ils en ont, ils les garderont pour eux. Cyprien! Qu'est-ce que vous voulez, ma mère? Je voudrais qu'il emmène Frimousset, c'est son heure, il commence à s'agiter. Je vais le sonner. Tiens, regarde, Loulou. Comment trouves-tu cette petite brassière? Oh, à quoi bon? Ne veux-tu pas dire de bêtises? Vous savez bien que ce sera comme la dernière fois. Ce ne sera pas comme la dernière fois si tu ne fais pas d'imprudence. Je sais que je ne peux pas avoir d'enfant. Alors pourquoi veut-on à tout prix que j'en ai? Allons, voyons, ne t'énerve pas. Mais oui. Cyprien va venir te chercher, reste tranquille. Madame a sonné. Oui. C'est pour le chien. Tenez, ne le perdez pas de vue, n'est-ce pas? Ne le laissez pas aller à la cuisine comme hier. Non, madame. Et rapportez-le-moi aussitôt que ce sera fait. Oui, madame. Oh, il y avait longtemps. La garde est avec elle? Mais oui, ma mère, elle ne la quitte jamais. Seulement, elle avait laissé la fenêtre ouverte à cause de la chaleur. Oh, j'espère que Frimousset ne l'aura pas entendu. Il meurt de peur chaque fois. Mais pourquoi ne l'a-t-on pas installé au pavillon comme les autres années? On l'entendait de la route. Mère, vous êtes sûre que l'oncle Armand viendra ce soir? Il l'a dit. Hier aussi, il l'avait dit, il n'est pas venu. On ne pourrait pas téléphoner à la clinique. Cyprien, tu ne te sens pas bien? Je voudrais qu'il m'examine. Cyprien, qu'est-ce que M. Armand a dit au téléphone? C'est la secrétaire qui a téléphoné. Oui, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Que M. Armand n'avait pas pu venir hier soir parce qu'il avait été retenu, mais qu'il viendrait sûrement ce soir. Elle a dit sûrement? Oui, madame. C'est bien, merci. Te voilà rassurée. Qu'est-ce que vous regardez? Une ombrelle rose dans la prairie. Ah, c'est Mélanie Laroche et son fils. Ils viennent ici? C'est probable. Il ne manquait plus que ça. Tu t'en vas? Ah oui. Pourquoi? Si vous trouvez que le spectacle de Bob Laroche est indiqué dans ma situation, j'aimerais autant ne pas accoucher d'un monstre si ça ne vous fait rien. Tu montes dans ta chambre? Oui. Bon, va doucement. Mais oui. Cette bonne Mélanie. Bonne... C'est une façon de parler. Elle est gaie, elle m'amuse. En voilà une qui ne se tourmente pas. Si les Laroche se tourmentaient... Nous sommes venus vous surprendre. C'est une très bonne idée. Bonjour Charlotte. Bonjour Mélanie. Bonjour madame. Bonjour Bob. Je vous apporte une rose de mon jardin. Oh, comme c'est gentil. Bonjour madame. Bonjour mon cher enfant. Asseyez-vous, on apporte le thé dans un instant. Oh, ça je veux bien. Je meurs de soif. Nous sommes passés par le bas, il faisait une chaleur. Vous êtes venu à pied de chez vous? Tout du long. J'ai mesuré il y a 3 kilomètres. Ça ne m'étonne pas. J'ai dit à la voiture de venir nous chercher. Voilà le thé, madame. Merci. Je n'ai pas mis de sucre. Jamais, merci. Mais oui, tu vas avoir ton lait, ne t'agite pas comme ça. Alors, Racontez-moi un peu les dernières nouvelles de hier. Comment vont vos hommes? Bien? Merci. Toujours acharnés au travail, le père et le fils? Il faut bien. Et les affaires? Les affaires? Oui. Qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on raconte? Mais qu'est-ce qu'on raconte? Jérôme songerait à passer la main, c'est vrai? À passer la main? Oui, à des gens de Lyon. Qui vous a dit ça? Oh, ça m'a fait. Je serais incapable de m'en souvenir. C'est un bruit qui court, voilà tout. Et Loulou, comment va-t-elle? Elle est un peu fatiguée, elle est montée se reposer. C'est pour quand son bébé? C'est pour la fin de l'année. Ah, allons, vous êtes des gens heureux, des gens sans histoire. Je vous félicite, ça ne court pas les rues. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Lucie. Oh, c'est vrai. Je l'avais oubliée, la malheureuse. Ça doit être bien triste pour vous, chère madame, de la voir comme ça. Eh, que voulez-vous? Chacun a ses petites misères. Ah, qu'il dites-vous? Maman. Quoi? Tu m'as dit de te faire penser à... Ah, oui, au fait, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est qu'une demoiselle Antonin Fort, dont un journal de sport a publié la photographie dans un groupe de... Qu'est-ce que c'était? Des nageuses, non? Oui. Oui, des nageuses. Elle a gagné une course Oui, elle a gagné une course à la nage. 200 mètres. Une demoiselle Antonin Fort? Oui. Tu as apporté le journal? Je crois que... Mais dépêche-toi un peu, veux-tu? Voilà, c'est celle de droite. Mademoiselle Antonin Fort, gagnante du 100 mètres dames. Ah, bah, ça doit être la fille de Marcel. La fille de Marcel et de... Oui, de cette femme. Il a déjà une fille de cet âge? Ils ont deux enfants, une fille et un garçon. Vous ne la voyez jamais? Jamais, oh non. Nous l'avons vue sur la scène avant leur mariage, mais pas depuis. C'est vrai, elle a joué ici. Comment? Mais elle a été pendant une saison l'étoile du Grand Théâtre. C'est là qu'ils se sont connus. Oui, je me souviens. Elle a tout de suite jugé à qui elle avait affaire. Elle s'est arrangée pour avoir un enfant et 6 mois plus tard, il l'épousait. Et qu'est-ce qu'il fait, Marcel? De quoi s'occupe-t-il? Il paraît qu'il fait de la peinture. Pas très bonne, je crois. Elle a quitté le théâtre? Oui, oui. Aussitôt qu'ils ont été mariés, elle n'attendait que ça. De quoi vit-il? Mais Marcel a toujours une part dans la maison. Oh. Ah, une petite part, ma mère. Mais enfin, de quoi vivre si l'on n'est pas trop exigeant? Ils habitent Paris? Ils ont une petite maison à Bois-Colombes. Ça ne doit pas être très drôle d'habiter Bois-Colombes. Oh, ça, ma chère, il l'a voulu. Personne ne l'y a forcé. Pauvre Marcel. Je me souviens de lui enfant. Il était gentil. Un peu distrait, un peu rêveur. Il l'a prouvé. Oui. Bob, veux-tu aller voir si la voiture est là? Attendez, je vais le faire demander. Non, non, laissez, ça le distraira. Hé, la Malène! Oh, oh, pardon. Oh, pas mal. J'ai perdu... Oui, tu as perdu l'équilibre, nous avons compris. Maintenant, ne t'énerve pas, veux-tu? Et regarde où tu mets tes pieds. Pauvre Bob, il est si gentil. Oui, il est brave. Il a 6 ans, mais il est brave. Je le trouve plutôt en progrès. Il a moins de tics que l'année dernière. Oui, ça dépend des jours. Si je pouvais seulement trouver quelque chose qui l'amuse. Il y a des enfants de 6 ans qui savent s'amuser tout seuls. Lui, pas. Quel âge a-t-il en réalité? Il va avoir 28 ans. 28 ans? Eh oui. Ah, que voulez-vous? C'est l'inconvénient des mariages consanguins. C'est vrai, vous étiez cousins, ce pauvre Hector et vous. Cousin Germain. Il en est résulté Bob. Mais les affaires de la compagnie Laroche ont été très simplifiées. Je regarde l'heure parce qu'il faut que nous passions à la gare chercher Brincourt qui revient de Paris. Comment va-t-il? Bien. Je lui ai donné une permission de 48 heures pour aller se faire couper les cheveux. Il prétend qu'il ne peut se les faire couper qu'à Paris. Enfin, il appelle ça se faire couper les cheveux. Et je fais semblant de le croire. Il est allé me tromper avec une petite modiste de ses amis et il va me revenir tout à l'heure, repentant et fidèle. Pour quelque temps. Il ne faut pas être trop exigeant avec les hommes. Oh, cette Mélanie, elle est impayable. Je fais la part du feu. Eh bien. Oui, elle est là ou elle n'est pas là? Elle est là. Bon, au revoir, chère madame. J'ai été bien contente de vous voir un peu. Moi aussi. Ne bougez pas, Charlotte. Si, je vous accompagne. Au revoir, madame. Au revoir, mon enfant. Passons par ici, c'est plus court. Mais fais attention, Bob. Ne casse rien. Eh bien quoi? Qu'est-ce que tu veux? Te promener? Tout à l'heure, c'est encore trop tôt. Ah, Cyprien, quelle heure est-il? 6h30, madame. Bon, ben, dans un quart d'heure, nous irons nous promener. Monsieur a fait téléphoner qu'on serve le dîner à 7h30 parce qu'il doit prendre le train à 9h pour Paris. Ah? Qu'est-ce que signifie ce départ? Pourquoi Jérôme a-t-il besoin d'aller à Paris? Pour ses affaires, sans doute. Voici l'auto, ce sont eux qui arrivent. Nous allons savoir ce qui s'est passé cet après-midi. Ah. Jérôme, tu pars pour Paris? Oui. Bonsoir, maman. Bonsoir, mon enfant. Bonsoir, grand-mère. Bonsoir, mon petit. Oui, loulou. Les Laroche sont venus goûter et n'a pas voulu voir Bob. Elle est montée s'étendre dans sa chambre. Tu ferais bien d'aller un peu la retrouver. Elle a été très nerveuse tout l'après-midi. J'y vais. Ouf. Tu es fatigué? Mort. Pourquoi vas-tu à Paris? Je t'expliquerai. Si tu prenais une douche? Tout à l'heure. Depuis 10h ce matin, je me bats avec ces crocodiles. 6h de discussion avec une demi-heure pour déjeuner, le temps d'apprendre que les ouvriers de mes gens se mettent en grève lundi s'ils n'ont pas l'augmentation demandée. Non. Ils savent que j'ai un délai de livraison pour cette commande de la guerre, ils en profitent naturellement. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais transiger. On leur donnera la moitié de ce qu'ils demandent et ils seront contents. J'avais pu avoir les Lyonnais à si bon compte. Vous êtes tout de même arrivé à un accord? Oui. Mais à quel prix? Ils ont une option de 6 semaines pendant lesquelles ils avalisent notre papier, ce qui nous permet de tenir le coup avec les banques. Mais à la levée de l'option, ils entrent de moitié avec nous. Comment de moitié? Oui, oui. Mais c'est effrayant. C'était encore bien plus effrayant si nous ne nous étions pas entendus. À ce point-là? À ce point-là, oui. Mais tu restes toujours administrateur délégué. Je reste administrateur délégué, mais c'est Grenier qui prend la présidence du conseil avec voix prépondérante en cas de partage. Oh, tu as accepté ça? Il a bien fallu. Mais alors, en somme, ils deviennent les maîtres de l'affaire? Théoriquement, oui. Pratiquement, ça dépend. De quoi? De ce que fera Marcel. Marcel? Oui. C'est de cet idiot que tout dépend. C'est comique, mais c'est comme ça. Mais il ne fait pas partie du conseil. Justement, il faut qu'il en fasse partie. J'ai l'intention, s'il ne fait pas l'imbécile, de poser sa candidature à la première assemblée. Il lui reste près de 500 actions, c'est très normal. Seulement pour ça, il faut que je sois sûr qu'une fois nommé, il ne me tirera pas dans les jambes. Mais il n'a pas pensé à ça, Grenier? Oh, que si. Alors? Il a son idée, probablement. Laquelle? Racheter en sous-main les actions de Marcel avant l'assemblée. Du moins, c'est ce que je suppose. C'est pour ça que tu vas à Paris? Oui. Tu veux arriver avant lui? Oh, je n'ai pas du tout l'intention de racheter les actions de Marcel. Il n'a pas voulu les vendre quand l'affaire marchait, maintenant qu'il les garde. Seulement, je ne veux pas qu'il les vende aux autres. C'est que... il ne doit pas rouler sur l'or, Marcel. Pense pas, non. Il pourrait se laisser tenter. C'est ce qu'il faut empêcher. Mais comment? Je compte un peu sur mon éloquence. Et beaucoup sur sa stupidité. La seule chose qui serait ennuyeuse, c'est s'il refusait de me voir. Tu l'as prévenu de ta visite? Non. J'ai mieux arrivé à l'improviste. Si tout se passe bien, je te préviens qu'il faudra probablement les avoir ici. Ici? Oui. Tu vas les inviter? Oui. Tu veux que je reçoive cette femme? Ce sera nécessaire. Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Si. Faut cette ancienne actrice qui a eu je ne sais combien d'amants... Quand elle en aurait eu le double, qu'est-ce que ça peut me faire? Je croyais que tu avais compris la situation. J'ai besoin de rétablir le contact avec Marcel. Il faut que vis-à-vis des autres, nous formions un bloc sans fissure. Une famille, quoi. Il est nécessaire pour ça qu'ils viennent ici. C'est la façon la plus simple et la plus rapide de rétablir la cordialité. Il faut ramener à nous cette femme qui fait de lui ce qu'elle veut et qui ne doit pas nous porter dans son cœur. De quoi aurons-nous l'air vis-à-vis de tout le monde? Oh, ça. Après tout ce qu'on nous a entendu dire sur elle et sur ce mariage, on trouvera vraiment que nous manquons de dignité. La dignité est une chose, les affaires en sont une autre. Donc prends-en ton parti et préparons-nous à tuer le veau gras en l'honneur du retour de l'enfant prodigue. Combien de temps vont-ils venir? Oh, j'en sais rien. Allons voir. Faut d'abord qu'ils acceptent. Oh, ils accepteront. C'est pas sûr. Mais si. Et où est-ce que je les mettrai? Eh bien, au second. À côté de Lucie? Ouais, non, c'est vrai. Il n'y a qu'à remettre Lucie et la garde au pavillon. pour que ses cris recommencent à meuter les passants. Oh, elle crie pas tant que ça. Non, on voit bien que tu n'es pas souvent ici. Bon alors, quelle est ta solution? Pourquoi ne pas les mettre, eux, au pavillon? C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? Mais parce que je veux qu'ils se sentent flattés de venir ici. Elles surtout. Si tu les mets au pavillon, ils se croiront relégués, traités en parents pauvres. D'ailleurs, il n'y a que deux chambres convenables au pavillon. Ça ne suffit pas? Et il en faut une pour eux et une pour chacun des enfants, ça fait trois. Ah, tu invites aussi les enfants? Ben, naturellement. Bon, très bien. Eh bien, je n'ai qu'à leur donner ma chambre, ça arrangera tout. Oh, écoute Charlotte, je t'en prie. J'ai eu une journée très dure, je suis à bout de fatigue. Alors épargne-moi les susceptibilités, veux-tu? Tu déménageras Lucie et tu les mettras tous les quatre au second. Alors il faut aussi que je déménage Armand. Parce qu'on le voit, celui-là. Où vais-je le mettre? Où tu voudras. Au pavillon, tiens, à côté de sa femme. Comme ça, il s'occupera un peu d'elle, pour une fois. Je veux bien, mais c'est toi qui le lui diras. Moi, je ne m'en charge pas. Je lui dirai. Et je lui dirai encore autre chose, à Armand. Quoi? Sais-tu à combien se sont montés les frais de laboratoire en juillet? À 12 000 francs, ma chère. Non. Si. Il exagère un peu, le cher beau-frère. C'est ce qu'il appelle soigner gratis les ouvriers de mes gens. Il est probable que Mademoiselle Alvarez a eu besoin de quelques robes d'été. Mais il va falloir que ça change. L'époque des vaches grasses est passée pour lui comme pour tous les autres. Ah, te voilà, mon grand. Tu as vu Loulou? Non, elle était dans le noir. Elle m'a dit qu'elle avait mal à la tête. Je l'ai laissée. Tu es fatigué, toi aussi? Plutôt. Ah, allez, je vais me changer. Je te conduirai à la gare, si tu veux. Mais non, il n'y a qu'à commander le chauffeur. Il faut que j'aille en ville après le dîner. Oh, alors. À 7h30, le dîner, n'est-ce pas? Oui. Il faut que tu retournes en ville après le dîner? Oui. Il me semble que tu y vas bien souvent depuis quelque temps. Pas spécialement. Ma mère, je vous salue. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Armand. Oh. Ah, il fait meilleur ici qu'en ville. C'est un vrai bain de vapeur là-bas. Avec ça, j'ai eu un travail fou. Depuis 8h ce matin, j'ai pas arrêté. J'ai même cru au dernier moment que je ne pourrais pas venir. On m'a amené un gosse de 3 ans avec une brûlure de l'épaule au second degré, la mère moitié folle, une petite sœur qui hurlait, enfin, c'était complet. Et comment ça va ici? La réunion de cet après-midi, c'est bien passé? C'est arrangé avec les Lyonnais? C'est arrangé, si l'on veut. Bravo! Jérôme est de bonne humeur? C'est beaucoup dire. Ça se passera. Il est obligé d'aller à Paris, il prend le train de 9h. Ah, je peux conduire à la gare s'il veut, moi, une fois que je retourne en ville après le dîner. Ah, vous aussi. Comment? Maxime il va mettre son père au train. Ah, bon. Et à part ça, quelles sont les nouvelles? Comment va Loulou? Comme d'habitude. Si vous repartez après le dîner, vous feriez bien d'aller voir Lucie. Elle n'a pas été très bien depuis hier. Elle a eu une crise? Pas une vraie crise, mais elle a été très nerveuse toute la journée. Ah. Bon, je monterai tout à l'heure. Et puis, il y a mon estomac qui ne va pas. Oh, bon, qu'est-ce qu'il a, votre estomac, ma mère? Toujours la même chose, des lourdeurs. Elle a pris 2 fois du fromage à la crème à déjeuner, c'est forcé. Un peu de bicarbonate de soude avant de vous mettre à table. Je pourrais dîner tout de même. Mais oui. Ah, voilà Madame Loulou en personne. Bon sang, quelle toilette! Elle n'a pas l'air très malade, la petite dame, hein? Bonsoir. Comment tu t'es changée? Il ne fallait pas. Oh, c'est une fatigue bien inutile dans ton état. Ce n'est pas très fatigant de changer de robe. Oh, comme tu voudras. Je croyais que tu avais si mal à la tête. Ça va mieux. Ne reste pas debout, au moins. Allez. Étends-toi là, sagement. Et n'en bouge plus. Comment, c'est déjà le premier coup? Oui, le dîner est à 7h30, ma mère, à cause de Jérôme qui prend le train. Ah, c'est vrai, je n'y pensais plus. Frimousset n'en revient pas de ce changement. Allons, viens, il faut nous apprêter. Je monte avec vous, Armand. Vous n'oubliez pas de monter voir Lucie, n'est-ce pas? Oui, j'y vais. Ah, bien, charmant. Quoi? J'espérais que vous pourriez m'examiner, mais je vois qu'il faut y renoncer. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Non, allez voir tante Lucie. C'est bien plus important que moi, voyons. Bon, allez, ne sois pas bête et dis-moi ce qui ne va pas. La tête? Oui. Ah, puis mon cœur qui m'a fait mal toute la journée. Voyons un peu ce cœur. Cacher ce sein que je ne saurais voir. Oh. Quoi? Comme si ça vous faisait quelque chose. Mais qu'est-ce que tu en sais? Le sein de Mademoiselle Alvarez, peut-être, mais pas le mien. Dis donc, tu veux recevoir une claque? Osez dire que ce n'est pas vrai. Chut. Respire doucement et ne parle pas. C'est à cause d'elle que vous n'êtes pas venu hier soir, n'est-ce pas? Je t'ai dit de ne pas parler. C'est bien étonnant qu'elle vous ait permis de venir aujourd'hui. Veux-tu te taire ou non? Je vous aime. Tu es folle. Je suis peut-être folle, mais je vous aime. Je vous aime, entendez-vous? Mais, En tout cas, ton cœur n'a absolument rien. Qu'est-ce que ça me fait? Je sais bien que je mourrai quand même, alors. Sûrement, avec ce cœur-là, tu en as au moins pour 70 ans, je t'en préviens. Non, je mourrai au moment de l'accouchement, je le sais. D'ailleurs, je préfère ça. Alors, c'est parfait. Ça vous est égal que je meure, n'est-ce pas? Oh, tu es idiote, enfin, je te réponds même pas. Oh, clairement. Quoi? Jurez-moi que vous m'embrasserez avant que je meure. Entends-tu? Faut le jurer. Alors, tu sais, c'est pas spécialement agréable d'embrasser une moribonde. Alors, embrassez-moi tout de suite. Mais non, si. Mais enfin, veux-tu me lâcher? Je vous en prie. Enfin, c'est ridicule. Mais qu'est-ce que ça vous fait, puisque je vous le demande? Tiens, là. Hein? T'es contente? Merci. Voilà, voilà ton mari. Oh, je ne veux pas qu'elle me voie. Mais mon point ne soit pas stupide, voyons, reste là. Non, je ne veux pas, je ne pourrai pas. Laissez-moi! Complètement marteau. Bonsoir, oncle Armand. Tu es seul? Eh oui, Loulou était là, mais elle vient de monter. Je ne l'ai pas trouvé mal. Elle se plaint un peu de son cœur, mais enfin, c'est nerveux, elle n'a rien. Dis-moi, mon oncle, je voudrais te demander quelque chose. Oui, quoi? J'aurais besoin de m'absenter une huitaine de jours à la fin du mois pour... Oui, j'ai compris. Germaine part demain pour Royan. Je lui ai promis d'aller la rejoindre. Oui, et alors? Tu connais le patron, si je lui parle de vacances en ce moment, avec Loulou qui ne peut pas bouger d'ici, ça fera un drame. Alors j'ai pensé que... Oui, tu veux que je te reconnaisse malade et que je t'envoie faire une petite cure d'air au bord de la mer? 8 jours, pas plus. Allez, viens me voir un matin à la clinique, on arrangera ça. Merci. T'es un frère, mon oncle. Mais, chut, voilà ton père. Salut, patron. Ah, te voilà. Je te demandais justement si tu étais arrivé. Alors, il paraît que c'est arrangé avec les Lyonnettes. Tu es content? Content. Oui, enfin. Bon. À ce propos, j'ai hâte de parler. Mais je t'écoute. Maxime. Laisse-nous un instant, veux-tu? Bien. On m'a remis les comptes du laboratoire pour le mois dernier. Ah oui? 12 000. Quelque chose comme ça, oui. 12 143, exactement. Et 10 000 le mois passé. Et alors? Alors ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces chiffres. Je suis désolé, je ne peux pas les changer. Si. Comment? Il va falloir les changer. Tu ne te rends pas compte de ce que coûte l'entretien d'une clinique. La clinique entre pour très peu de choses là-dedans. Oh, je te demande pardon. Je connais les dépenses de la clinique. On ne peut pas les séparer des autres. Tout ça se tient. Pas forcément. Et en tout cas, il a toujours été entendu qu'en échange des soins que je donne à tes ouvriers, tu me fournissais les moyens de poursuivre mes travaux de laboratoire. Tant que c'était possible, oui. Maintenant, ça ne l'est plus. La situation de la société n'est plus ce qu'elle était. Il va falloir réduire les frais, tous les frais, toi comme les autres. Et pour commencer, supprimer ce laboratoire... qui est un luxe. À supprimer le laboratoire, simplement. Oui. Et laisser là mes travaux. Tu t'occuperas autrement. Tu auras plus de temps, tu pourras faire de la clientèle. Mon cher Jérôme, si j'avais voulu faire de la clientèle... Eh bien? Non, rien. Si, achève. Si tu avais voulu faire de la clientèle, tu n'aurais pas épousé Lucie, n'est-ce pas? C'est ça que tu allais dire. Peut-être. Que veux-tu? Il arrive à tout le monde de faire de mauvaises affaires. Celle-là a été bonne pour toi pendant 15 ans. Maintenant, elle l'est moins. Voilà tout. Tu n'es pas tellement à plaindre, tu sais. Quels sont ceux qui, depuis la crise, n'ont pas eu à se serrer le ventre? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a toi. Moi? Ben oui, toi. Je ne me suis pas serré le ventre? Ça ne s'est pas vu, en tout cas. Quand depuis 2 ans, nous n'avons pas distribué un sou de dividende? Je t'en remercie, j'en sais quelque chose. Mais qu'est-ce que ça a changé à ta façon de vivre? Comment est-ce que ça a changé? As-tu un domestique de moins? Une automobile de moins? As-tu vendu tes tableaux? As-tu supprimé ta chasse? J'ai fait comme tout le monde, j'ai vécu sur mon capital. Oh, London. Quoi? Modeuse histoire. Pas à moi qu'il faut raconter ça. Tu as fait comme les petits camarades, tu as supprimé les dividendes parce que tu n'étais pas seul à les toucher. Il aurait fallu partager avec nous, mais tu n'as pas supprimé tes appointements de directeur et d'administrateur délégué, hein, vieux frère? Mais tout travail mérite salaire, le mien comme celui des autres. Bien sûr, et puis quand ce salaire-là ne suffit pas pour payer les dépenses de la maison, il y a le compte frais généraux qui est là pour un coup. Qu'est-ce que ça signifie? On la connaît, la comptabilité des affaires de famille. C'est la forêt de Bondy. Tu vas un peu loin, Armand. Oh, ce n'est pas toi qui as inventé le système et tu n'es pas seul à le mettre en pratique, bien sûr. Charbonnier est maître chez lui, pas vrai? Tant pis pour ceux qui ne seraient pas contents. Seulement après tout ce que tu lui fais payer à la société, eh ben je trouve que tu peux vraiment y ajouter les 4 sous de mon laboratoire. Ouais. Je ne saisis pas bien ce que tu veux insinuer. Tous les livres sont à la disposition des actionnaires. Et après, me crois-tu assez bête pour supposer que j'y trouverais quoi que ce soit d'irrégulier? Mais si tu as cette idée, pourquoi n'en parles-tu pas à la prochaine assemblée? Un gros malin, tu as la majorité à toi tout seul, à quoi ça me servirait-il? Tu te trompes. Je ne l'ai plus. Elle passe au groupe de Lyon. Pas possible. Si. Tu aurais accepté ça, toi? Non, mais ça m'étonnerait. Mais tu le verras. Raconte-leur ta petite histoire aux gens de Lyon. Ça les intéressera beaucoup. Mais non, je ne leur raconterai pas ma petite histoire. Pourquoi? Si tu as l'intention de m'embêter, ne t'en prive pas, mon ami. Vas-y, quand tu voudras. Je t'attends. Mais qu'est-ce qui te parle de ça? Je n'ai aucunement l'intention de t'embêter, au contraire. On verra réduire un peu les dépenses, il le faut absolument, mais de là à tout supprimer, ah non. Non, non, non. Non, non, non, non. Il n'y a pas de raison. La maison Antonin-Fort n'en est tout de même pas là. Alors, ok? On est d'accord? J'en parlons. Mais oui! Alors, sois sage, Frimousset. Ah, et comment va-t-il, le sieur Frimousset? Il n'aime pas la chaleur. Cette température orageuse ne lui va pas du tout. Eh ben, il n'y a qu'à le tondre, il aura moins chaud. Bon, le tondre? Quelle horreur! N'écoute pas, Frimousset, il dit ça pour te taquiner. Ah, voilà la soupe. Vous avez vu Lucie, Armand? Non, pas encore, nous avions à parler, Jérôme et moi, j'irai après le dîner. Alors, si vous voulez que nous passions à table... Passez, oui. Tu viens, Jérôme. Qu'est-ce qu'il y a à dîner? Des truites en gelée, une selle d'agneau aux champignons et un foie au porto. Ça te plaît? N'ai pas faim. À Bois-Colombes, une pièce formant atelier et living room dans la maison de Marcel. Jean-Pierre est couché sur un divan formant lit. Anne-Marie, en pyjama, est assise et prend son petit déjeuner tout en lisant un journal sportif. Jean-Pierre! Jean-Pierre, lève-toi! Jean-Pierre, tu m'as entendu? Fiche-moi la paix! Tu vas te faire attraper! C'est dimanche, laisse-moi dormir. Tu sais l'heure qu'il est? Mais t'égales. 11h. Pas vrai. Tiens, regarde. Oh, tu l'as avancé? Allons, lève-toi. Sinon, maman va rentrer, ça fera un drame. Oh, zut, là. Lève-toi, je te chatouille. Oh non. Tu te lèves. Laisse-moi. Tu te lèveras? Oh, oui. Allez, ouste. Oh. À l'autre, oh. Maintenant. Papa. Papa. Oh. Papa, il faut te lever. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut te lever, il est 11h. Déjà? Maman va rentrer de la messe, il faut bien te dépêcher. Ah, ça y est. Café est froid. Je pense bien, il y a une heure qu'il est servi. Julie! À plus. Quoi? À plus de Julie. Comment? Elle a fait dire par le laitier qu'on ne compte plus sur elle. Ah, c'est charmant. Mais pourquoi? Oh, bon, ça. Elle a trouvé une meilleure place, probablement. Mais qu'est-ce qu'elle dit ta mère? Qu'est-ce que tu veux qu'elle dise? Elle est allée voir si elle trouvait quelqu'un d'autre. Mais qui est-ce qui va faire le ménage en attendant? Toi, tu as invité à faire ton lit pour commencer. Oh, puis quoi encore? Tes chaussures. Ah, ben c'est gai. Il n'y en a même plus le dimanche pour se reposer. Oh, pauvre, tu es si fatigué que ça. Oh, tu sais à quelle heure je suis rentrée cette nuit? À 2h, ma petite. Depuis midi, tout était prêt, le décor pour lundi terminé et en place. À 2h, Melinovski s'amène, il dit que tout est changé. Ça ne se passe plus sous Louis XV, mais sous Napoléon. Et qu'il lui faut pour lundi une chambre à coucher en pire. Et alors? Eh ben alors, on a tout mis par terre et puis on a recommencé. Maintenant, peut-être que lundi, il lui faudra une chambre Moyen-Âge. Ils ne savent jamais ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu lis, ma petite fille? Le miroir des sports. On parle de toi? Pas cette semaine. Oh, mais tu ne te figures pas qu'on va se mettre à parler d'elle tous les 8 jours sous prétexte qu'elle a gagné une petite course de 100 mètres en battant 3 fois rien. Oh, je battais 3 fois rien. Bah, dame, c'était une course de fin de saison. Toutes les bonnes nageuses étaient déjà parties. Oh. Autrement... Alors, Eva Nilsson, c'est 3 fois rien. C'est pas grand-chose. Oh, tais-toi, tu me fais pitié. C'est l'envie qui te fait parler. L'envie? Oh là là. Bah, parfaitement, ah. L'envie. Ça t'empêche de dormir qu'on ait publié ma photo dans le miroir et que j'ai été toute une semaine dans les actualités. Oh, ça, c'est roulant, par exemple. Et grâce à qui tu as été dans les actualités? Oh, oui, bah, ça, je sais ce que tu vas dire. C'est moi qui ai parlé de la réunion à l'opérateur d'Éclair Journal la veille à Épinay. Il ne savait même pas qu'elle avait lieu. Et il est allé pour me faire plaisir parce que c'est un copain. Pas possible. Bah, je l'ai plutôt regretté d'ailleurs. Car ce que tu as pu avoir l'air gourde devant l'appareil, ma pauvre amie. Oh, pas du tout, elle était charmante. Ah. Oh, naturellement. Pour toi, tout ce qu'elle fait est admirable. Et son speech devant le micro. Oh. Je suis très contente d'avoir gagné le 100 mètres dames. J'ai l'intention de continuer mon entraînement et j'espère faire mieux l'année prochaine. Oh, chérie, va. Ouais, ben, mais c'était très gentil. Oh, si tu avais entendu l'éclat de rire dans la salle le jour où j'y étais. Oh, oui, Joe, j'ai répété ce qu'ils m'ont dit de dire. Je voyais maman qui me faisait les yeux terribles parce qu'on m'avait enlevé mon peignoir. Oh, on t'avait enlevé. Tu l'avais bien enlevé toute seule. C'est pas vrai, je voulais le garder, c'est eux qui ont pas voulu. Oh, tu étais bien contente d'exhiber tes formes, on te connaît. Qu'est-ce que tu dis, répète-le? Ouais, il dit ça pour te taquiner. Oh! Ah! Oh. Ah, c'est intelligent. Oh, Anne-Marie, voyons. Il m'a insulté, c'est bien fait. Tu le regretteras, ma petite. J'avais justement une commission à te faire. Eh ben, tu peux l'attendre. Ça, je m'en fiche pas mal de ta commission. Oh, si tu savais ce que c'est, tu ne t'en ficherais pas. Mais qu'est-ce que c'est? Mais rien du tout. Tu vois pas qu'il vient d'inventer ça pour me faire enrager? Tu te trompes. Bah, dis-le-moi et je fais ton lit. Et mes chaussures? Oh non, pas tes chaussures. Alors je ne marche pas. Ah, tu vois comment il est? Mais voyons, Jean-Pierre, puisqu'elle fera ton lit. Eh bien, qu'elle le fasse et je verrai. Ah non, parle d'abord. Bah, qu'est-ce qui me prouve que tu feras mon lit ensuite? Mais je te le promets. Tes promesses? Je te le jure. Sur la tête de papa et de maman? Oui. C'est gai. Malinowski veut te voir. Pourquoi? Il a l'intention de t'essayer dans son prochain film. C'est vrai? Il t'a vu dans les actualités. Liechtenstein lui a dit que tu étais ma sœur, alors hier il m'a appelé. Et il m'a dit que tu viennes un de ces jours au studio. Il verra si on peut faire quelque chose de toi. Non. Il est probable qu'il t'essaiera dans un petit rôle pour commencer. Puis, si ça va, il te donnera quelque chose d'important par la suite. Oh, tu crois? C'est ce qu'il a fait avec Ginette Aster. C'est comme ça qu'il l'a lancé. Oh, t'entends ça, papa? Oui, ma petite fille. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, je dis que ça ne m'étonne pas du tout. Mais ce rôle où il veut m'essayer, il y a du texte? Oh, ça, j'en sais rien. Parce qu'il faudrait peut-être que je prenne des leçons. Des leçons de quoi? Je sais pas, moi. Des leçons de diction. Bon, pourquoi faire? Mais ta mère t'en donnera. Maman? Ah, bah oui, en fait, c'est vrai. Mais ce n'est peut-être pas la même diction au cinéma. Qu'est-ce que tu crois? Mais ça n'existe pas, la diction au cinéma. Il faut être photogénique, c'est tout. Moi, j'ai idée que je le suis. Pas toi, papa? Mais j'en suis sûr, ma petite fille. On saura ça quand tu auras tourné, pas avant. Dis donc, tu crois qu'on me paiera? Ah, la première fois, tu as des haricots. Mais ensuite? Ah, ensuite, si ça colle, c'est autre chose. Si jamais tu arrives à être vedette, alors... Oh. Dis, combien touche-t-on comme vedette? Ah, ça dépend. Ginette Aster à 100 000 francs par film. Et combien peut-on faire de films par an? Je sais pas, 4, 5... Ah, 500 000 francs par an! Papa, tu entends? On aurait cru davantage. Oh, 500 000 francs, c'est déjà un commencement. On peut avoir une auto et un chauffeur pour ce prix-là, non? Je t'emmènerai. Tu te mettras devant à côté du chauffeur. Et pourquoi devant? Tu auras plus d'air. Et tu feras mon portrait, un chic portrait, grandeur nature. Tu veux? Avec mon chien. Quel chien? J'aurai un chien, un grand chien, un Barzoï. Où tu nous vois tous les trois passant dans les rues et tout le monde se retournant pour me voir. Oh, écoute-la. Ah ben quoi, je serai célèbre. Allez, maman. Ouais. Tiens, prends ça et mets-le dans la cuisine. Bien. Oh, fais attention, ce sont des œufs. Bon. Oh, vous n'êtes pas plus habillés que ça les uns ni les autres. Vous savez l'heure qu'il est. Nous bavardions. Bonjour, ma. Bonjour, mon chéri. Moi, tu ne me dis pas bonjour. T'es pas encore rasé, toi. Oh, pas encore. Tu as trouvé une femme de ménage? Madame Granger m'a promis de m'envoyer quelqu'un demain. Mais pour aujourd'hui, il n'y a rien à faire, naturellement. Allez, Jean-Pierre, tu feras ton lit. Ah, c'est Anne-Marie qui doit le faire. Pourquoi Anne-Marie? Je le lui ai promis. Non, j'ai du travail pour toi. Mais maman... Mais il n'y a pas de même moment, tu vas m'aider à préparer le déjeuner. Allez, Jean-Pierre, dépêche-toi de faire ton lit, n'est-ce pas? Eh ben ça alors. Non, mais je vais t'aider. Maman! Quoi? Je sais pas ce que Jean-Pierre vient de me dire. Oh, qui a cassé cette tasse? C'est moi. Mes compliments. Tu sais combien ça coûte une tasse comme ça? J'ai pas fait exprès. Eh ben ça serait le comble alors. Allez, tiens, va porter ça à la cuisine. Oui, mais maman... Quoi? J'ai quelque chose à te dire. Oui, mais va d'abord porter ce plateau. Et mets de l'eau à chauffer, veux-tu? Oui. Marcel, quand décideras-tu à l'étraser? Tout de suite, ma chérie, oui, je finis cet article. Et maman, pourquoi est-ce qu'elle est partie, Julie? Oh, elle me faisait la tête depuis 8 jours parce que j'avais refusé de l'augmenter. Elle voulait 4 francs de l'heure. Tu aurais peut-être mieux fait de les lui donner. Tu trouves que c'est le moment d'augmenter nos dépenses? Pas moi. Quand ton aimable frère consentira de verser quelque chose, nous en reparlerons, mais jusque-là. Quand je pense que nous ne pourrons même pas partir cette année pour le 15. C'est la première fois depuis que nous sommes mariés, ça. Oh, nous pourrions bien partir une huitaine de jours. Avec quoi? Tu as vendu un de tes tableaux? Oh, non, mais... Alors, tu sais combien il reste à la banque? 5 000 francs, en tout et pour tout. Eh bien, si l'un de nous tombe malade, s'il faut payer une opération, la maison de santé... Mais il n'y a aucune raison pour que ça arrive, ma qu'est-ce chérie. Qu'est-ce que nous en savons? Tu crois toujours qu'il n'y a que les choses agréables qui arrivent, toi. J'en arrive quelquefois. Quoi? Les choses agréables. Il en arrive quelquefois, n'est-ce pas, papa? Quelquefois. Qu'est-ce que vous avez tous les trois à me regarder comme ça? On peut te parler maintenant, tu as 2 minutes. Oui. Jean-Pierre, va faire ta toilette. Non, une seconde. Quoi, tu as besoin de Jean-Pierre? Oui. Qu'est-ce que c'est que tout ce mystère? Jean-Pierre, dis-le, toi. Malinowski lui offre un rôle dans son prochain film. À qui? Anne-Marie? Oui. Et alors? Alors, rien, c'est tout. Comment c'est tout? Mais non, c'est pas tout. Il m'offre un petit rôle pour essayer, mais si ça va, si je suis photogénique, il a l'intention ensuite de me lancer. De te lancer? Oui. Voyez-vous ça. Et qu'est-ce que tu as répondu, toi? Rien, que je vous en parlerai. Oui. Eh bien, tu lui diras que nous le remercions beaucoup, mais qu'il n'en est pas question. Quoi? Pourquoi? Mais parce que je ne veux pas, tout simplement. Mais enfin, maman... Mais j'ai pas quitté le théâtre pour voir ma fille entrer au cinéma. Mais c'est pas la même chose. C'est pire, à tous les points de vue. Ah bah, pas au point de vue galette, en tout cas. Le point de vue galette, comme tu dis, n'est pas tout dans la vie. Ah, tu sais, nous sommes des gens pauvres, mais nous sommes des gens respectables, et je tiens à le rester. Je pense que ça a déshonorant de faire du cinéma. Oui, mais tu ne le vois pas, mais moi je le vois, ça suffit. C'est le comble du chic parmi les femmes du monde. Tu n'es pas une femme du monde, tu es une jeune fille que je me suis efforcée de bien élever. Et je ne veux pas avoir à rougir de toi. Si ce n'est que ça, je peux jouer sous un autre nom. Ni sous ton nom, ni sous un autre. Inutile d'insister, ma petite fille, j'ai dit non, c'est non. D'ailleurs, ton père pense comme moi, n'est-ce pas, Marcel? C'est-à-dire... Quoi, tu n'es pas de mon avis? Si, dans un sens, évidemment. Ouais, ben, naturellement. Marie-toi, et après tu seras libre de faire ce que tu voudras. Marier avec qui? Tu as 18 ans, nous avons le temps d'y penser. Là. Avec Émile Corbasson, par exemple, merci bien. Oh, mais non, tu es bête. Mais ça serait pas si mal. Oh, bah voyons, Suzy. Bah, tu vois, Les Corbasson sont des gens très bien. Et lui, tu l'as regardé? Et il paraît qu'il a beaucoup d'avenir à la Société Générale. Je te demande si tu l'as regardé. Il est plein de boutons. Et ses dents, t'as vu ses dents? Oh, oui. Oh. C'est à ça que vous me destinez. Mais non, ma petite fille, mais ce n'est pas ce que ta maman a voulu dire. Oh, moi, je ne tiens pas spécialement à celui-là. C'est encore une chance. Jean-Pierre, qui est-ce qui te demande ton avis? Tu ferais beaucoup mieux d'aller t'habiller au lieu de te mêler de ce qui ne te regarde pas. Allez, allez, allez, dépêche-toi. Et puis ne ronchonne pas toujours quand je te dis de faire quelque chose. Oh, Marcel, est-ce que tu vas te décider à aller traser, oui ou non? Et voilà, j'y vais. Oui, ben moi, je vous préviens, hein, le déjeuner est pour midi, alors tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Mais tu ne vas pas te désoler pour ça, voyons. Oh, laisse-moi tranquille. Tu m'en veux? Oui, je t'en veux. Pourquoi? T'as même pas pu dire un mot pour me défendre. Oh, mais ta maman a bien un peu raison, tu sais. Elle a raison de m'empêcher de faire du cinéma? Ce n'est guère une existence pour une jeune fille comme moi. Oh non, non, je t'en prie pas, toi. Ça suffit d'elle. Elle est monstrueuse avec sa manie de respectabilité. Elle finira par nous empoisonner l'existence à tous. Non, il ne faut pas dire ça, ma petite. La mienne, en tout cas. As-tu entendu ce qu'elle a dit pour Émile Corbasson? Elle ne parlait pas sérieusement. Avec ça. Et c'est pas lui, ce sera quelqu'un dans le même genre. Non, c'est ce qui m'attend. Ah, hein. C'est ce qui m'attend. Ben non, écoutez-moi ça. Et qu'est-ce qui t'attend? Une vie pas drôle. Oui, tu es bien de terre. Une vie pas drôle, toi. Je suis bien tranquille. Moi, pas moi. Tu ne sais pas ce que tu dis. Viens ici. Pourquoi? Ben, viens, je te dis. Oh. Tiens, regarde-toi dans la glace, là. Et dis-moi ce que tu en penses. Oh. Avec une frimousse comme ça, on épouse qui on veut. Tu entends? Qui on veut. Oh, j'y compte, oui. Eh oui, tu as tort de ne pas y compter. Le prince charmant, n'est-ce pas? Parfaitement. Mon pauvre papa. Quoi, mon pauvre papa? Des princes charmants, vois-tu, on n'en rencontre pas souvent. Et des belles petites filles comme toi, tu crois qu'on en rencontre souvent? Cher papa. Et maman, comment la trouves-tu? Oh, elle... Jolie, hein? Oh, elle est merveilleuse. Plus jolie que moi? Ben, on ne peut pas vous comparer. Elle, c'est l'épanouissement, toi, c'est... Moi, c'est le fruit vert un peu coriace. Oui, pas si coriace que ça. Tu es toujours amoureux d'elle? Oh, toujours, oui. Tu l'as jamais trompée? Jamais. J'en ai même jamais eu envie. Et elle? Et quoi, elle? Elle n'a jamais eu envie de te tromper? Ah ben, j'espère bien que non, par exemple. Pourtant, on a dû lui faire la cour. Pas que je sache. Tu l'as peut-être pas dit? Ça m'étonnerait. D'abord, je ne vois pas quand nous nous quittons, pour ainsi dire, jamais. En somme, vous avez été très heureux tous les deux. Et j'espère bien que ça n'est pas fini. Après tout, c'est peut-être ça le bonheur. Mais ça n'est pas autre chose. Une femme qu'on aime, des enfants... qu'on ne déteste pas. Une petite maison pour se mettre à l'abri, mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Tout de même. Et quoi? Ça doit être amusant d'être riche. Oh, c'est commode, quelquefois, mais amusant. Je sais ce que c'est, je l'ai été. Et tu ne regrettes pas ce moment-là? Oh, ma foi, non. Alors tu me conseilles plutôt un mari pauvre? Ah non, c'est pas obligatoire qu'il soit pauvre, s'il est gentil. Ah oui, mais ça... Hein, ce qu'il te faudrait, c'est un mari dans mon genre. Oh, voilà. Oh, tout de suite les folies. Tu me mets de pareilles idées dans la tête, comment veux-tu que je ne sois pas déçue? Vous avez fini tous les deux? Non. Marcel, tu es rasé? Pas encore. Qu'est-ce que tu attends? Et il me fait la cour. Oh, c'est intelligent, ça. Mais elle se demande si elle est jolie, je la rassure. Tranquille, elle le sait qu'elle est jolie, va, elle ne le sait trop, elle devient insupportable. Moi? Oui, toi. Allez, tiens, prends ça et essuie la table et puis tu viendras m'aider à la cuisine hein, quand tu auras fini. Bien. Si. Papa. Quoi? Je t'adore. Et moi? Anne-Marie, va ouvrir, veux-tu? Ça doit être l'épicerie. Oh oui. Papa, c'est un monsieur pour toi. Qui est pour moi? Oui, il n'a pas dit son nom, il veut te parler. Et où est-il? Il attend devant la porte. Alors c'est l'épicerie? Non, c'est un monsieur pour papa, il n'a pas dit son nom. Eh bien, il faut lui demander. Oh! Oh, ça, par exemple! Qui est-ce? Ton frère. Le... Jérôme? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Tu es sûr que c'est lui? Ah oui, alors là, je l'ai bien reconnu. Il n'a pas changé, tu sais, il a toujours sa mauvaise figure. Oh, pourvu que ce ne soit pas. Quoi? Ben, une mauvaise nouvelle. Quelle mauvaise nouvelle? Mais je ne sais pas, ma maman, peut-être. Mais non, il ne serait pas venu. On t'aurait télégraphié. Tu crois? Mais oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, il faut voir ce qu'il veut, naturellement. Ah non, non, non, pas dans cette tenue, pas sur une robe de chambre. Oui, oui, oui. Allez, allez, allez, allez, disparaissez, vous autres. Et puis toi, va le chercher. Ou plutôt non. Non, non, non, reste. Anne-Marie? Maman? Viens ici. Viens ici, arrange tes cheveux, là. Tu as l'air d'une folle. Et ton nez, lui, c'est un vrai bonheur. Allez, va, va le chercher maintenant. Je vais le chercher? Oui. Oh, comment faut-il l'appeler? L'appelle pas. Ah. Et toi, fais bien attention à ce que tu vas dire. Mm-hmm. Hein. N'accepte rien, ne t'engage à rien. Oui. Écoute. C'est commode. Bonjour, Marcel. Bonjour. Ah, c'est Anne-Marie? Oui. Ah, félicitations. Oh, elle est ravissante, ta fille. Alors, comment ça va depuis tout ce temps? Ah, oh, puis tu n'as pas changé, toi, à la bonne heure. On voit que tu ne t'en fais pas. Tu as bien raison. Je peux m'asseoir? Mais je t'en prie. Merci. Et Suzy, comment va-t-elle? Bien, merci. Je ne veux pas la déranger, mais je crois me souvenir qu'elle aimait les roses autrefois. Alors je me suis permis de lui en apporter. Oh, je t'en remercie. Mais... Quoi, il fallait pas? Bon, c'était inutile. Mais si ça me fait plaisir. Et le nommé Jean-Pierre, comment va-t-il? Il va bien. Il travaille, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez un décorateur de cinéma. Ah, ah, c'est pas bête, ça. Les décors de cinéma, ça vaut peut-être mieux que la cellulose par le temps qui court. Ça me fait plaisir de te voir, tu sais. T'es bien aimable. Oui, oui, ah, évidemment. J'étais un peu chamaillé autrefois, j'ai peut-être été un peu brutal. Mais c'était par intérêt pour toi, tu le sais. Ah, j'oubliais. Maman m'a chargé de toutes ses amitiés pour toi, ainsi que pour ta femme et pour tes enfants. Elle va bien? Maman? Ah, oui. Solide comme un roc. Elle n'a pas pris un jour. Ah. Charlotte aussi va bien. Maxime, Loulou, tout le monde. Elle attend un bébé, Loulou. Et qui? Loulou. La femme de Maxime. Ah. Oui, oui, oui, oui. Oh, du côté santé, nous n'avons pas trop à nous plaindre. Il n'y a que cette pauvre Lucie. Ah. Ah, bon, toujours la même chose. Quant à Armand, lui, il est toujours le même. Il m'a chargé de te faire ses amitiés. Merci. Ah, il prend la vie du bon côté, celui-là s'apprécie. Enfin, quand il est là, au moins, on ne s'ennuie pas. C'est le bout en train de la famille. À part ça, il s'occupe toujours de la clinique à Méjean et de son laboratoire. Au fait, et toi, ta peinture, ça va? Tu es content? Oh. Hein? Hein? On peut jeter un coup d'œil? Oh, hein? Ce n'est hein? Pas intéressant. Voyons, voyons, voyons, voyons. Pas intéressant? Oh, ben tu es modeste. Oh, je trouve ça très bien, moi. Ah, je trouve même ça très bien. Eh ben, mais dis donc, je te félicite. Bon, c'est une étude. Oui, je vois. Ah, il y a déjà longtemps que je voulais venir. Mais j'ai tellement à faire là-bas. Alors, j'ai profité de ce que j'avais des gens à voir à Paris pour pousser jusqu'ici. J'avais 2 heures devant moi, je me suis dit, eh ben tiens, si je faisais un saut jusque chez Marcel, après tout, il serait peut-être pas fâché de savoir un peu ce qui se passe à la société. Hein? Il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Ah. Oh, de bonnes choses, de bonnes choses, je commence par te le dire. Vraiment? Oui, oui. Nous avons passé des moments difficiles, comme tu as pu t'en rendre compte. Mais maintenant, ça va mieux. Ça va sensiblement mieux. Nous avons doublé le cap. Alors, tu vas reprendre les paiements. Attends, nous ne sommes pas encore là. Ah. Non, mais nous y venons. La situation intérieure est saine, notre crédit est excellent. J'ai une grosse commande en cours pour la guerre. Bref, je peux dire que les mauvais jours sont passés. Oui, mais quand penses-tu payer quelque chose aux actions? Dans le courant du prochain exercice. Pas avant. Bah, écoute. Laisse-nous ce temps de repartir, mon vieux. Maintenant, si tu trouves que c'est trop long et si tu veux te défaire de tes actions, tu sais, je suis toujours preneur. Non, je n'ai pas dit ça. Et tu fais bien de ne pas le dire. Entre nous, ce n'est pas le moment de vendre. Ce serait plutôt celui d'acheter. En 2 mots. Mais ce que je vais te dire est rigoureusement confidentiel. Je te demande ta parole de garder ça pour toi. Eh bien. Je viens de faire un accord avec le groupe de Lyon, Grenier. Tu sais? Hein? Ah, ça n'a pas été commode. Ça n'a pas été commode de s'entendre parce qu'ils sont durs, les cochons. Mais on y est arrivé tout de même. À partir d'octobre, nous marchons ensemble, eux et nous. C'est énorme, tu le devines, comme conséquence. Ils étaient nos principaux concurrents avec eux. Oh, nous tenons le marché. En outre, cette entente va nous donner des facilités de trésorerie que nous n'avions pas. Oui, enfin bref, nous repartons du pied droit. J'ai tenu à te mettre au courant, d'abord parce que, en ta qualité d'associé, tu as le droit de le savoir. Et aussi, parce qu'il est possible que tu reçoives un de ces jours de Grenier une offre d'achat pour tes actions. C'est non seulement possible, mais c'est probable. Bah, tu es libre, naturellement, de faire ce que tu voudras. Mais j'ai voulu te prévenir, parce que... Ils sont bien gentils, les Lyonnais, mais je trouve qu'il n'y a aucune raison pour leur laisser faire une bonne affaire sur ton dos. Je te remercie. Après tout, tu es mon frère, hein? L'affaire a été fondée par notre grand-père, et s'il y a de l'argent à gagner, il est assez naturel que ce soit toi qui en profites, et pas eux. C'est pas ton avis? Si, naturellement. Alors, quel que soit le prix qu'ils t'offrent de tes actions, et même si c'est un gros prix, dis-toi que si elles ne valaient pas beaucoup plus... Il serait pas venu te trouver. Je comprends. Et si tu veux un conseil, eh bien, garde-les. Je ne t'en dis pas plus, mais garde-les. Bon. D'autant plus que nous allons être amenés à modifier la composition du conseil, à augmenter le nombre d'administrateurs. Et si ça te va, je tâcherai de te réserver un fauteuil. Je te remercie. Mais tu n'as pas à me remercier. C'est tout naturel. Ça me fera plaisir. De recommencer à travailler avec toi. Je te montrerai un peu ce que nous avons fait à mes gens. Ah, on a travaillé, tu sais, depuis que tu n'es pas venu. Tu ne reconnaîtras plus les machines. J'ai été acheter ça en Amérique, il y a 5 ans. Oh, cette sale crise. Faudrait que tu viennes passer quelque temps là-bas. Je te montrerai ça sur place, petit à petit. Comme ça, tu serais au courant le jour... Où tu entreras au conseil. Mais quand faudrait-il venir? Mais quand tu voudras. C'est que je ne peux guère m'absenter. Vous restez ici cet été? Non, nous ne sommes pas encore. Pourquoi ne viendriez-vous pas tous les quatre vous installer quelque temps à Tuilière? Je te remercie. C'est ça qui serait gentil et qui ferait plaisir à maman. À maman, à Charlotte, à moi, à tout le monde. Mais pourquoi, vraiment, pourquoi? Tu emporterais tes pinceaux. Il y a toujours l'ancienne buanderie, tu sais, où tu travaillais quelquefois. Je la ferai nettoyer, on passera les murs à la chaux, tu seras comme chez toi. Oh, tu es bien aimable. Et puis, tu sais, la chasse ouvre le 28. Et il y a encore quelques perdreaux à l'Angluse. Tu aimes toujours ça? Oh, il y a bien longtemps que je n'ai pas chassé. Eh bien, c'est une occasion de t'y remettre. Quant à la championne de natation, elle aura la rivière pour continuer son entraînement. Maxime a même fait installer un plongeoir. Alors, qu'est-ce que tu dis de ma proposition? Je crains que ce ne soit pas possible. Écoute. Veux-tu y réfléchir et en parler à Suzanne? Oh, je veux bien, mais... Dis-lui que vous nous feriez à tous le plus grand plaisir. Je ne la connais pas, ou bien peu, mais je sais que c'est une femme raisonnable et une femme de cœur. Il a pu m'en vouloir et je suis prêt à reconnaître mes torts envers elle. Enfin, est-ce une raison pour que nous restions fâchés toute la vie? Je ne sais pas quel est ton avis, mais j'estime, moi, que ce qui fait la force et la beauté d'une famille, c'est d'être unis. Tu n'as pas toujours dit ça. Oui, c'est entendu. Je te répète que je reconnais mes torts. Mais aujourd'hui, je viens vous tendre la main et je vous dis à tous les deux, oublions le passé, comme dans la chanson. Et redevenons des frères, des sœurs, des amis. Dis-lui ça. Et puis, dis-lui encore que maman se fait vieille, qu'une des dernières joies de sa vie serait d'avoir ses enfants réunis autour d'elle, et que ce ne serait peut-être pas très bien de notre part de l'en priver. Hein? Voilà. Au revoir, Marcel. Au revoir. Eh bien? Eh ben, oui. Il venait en somme nous offrir une réconciliation. Ah, ben, ça, je sais, j'ai entendu. Ah, tu... Ben, j'étais derrière la porte. Je n'ai rien dit de trop, hein? Non. Ah, tu as vu? Et alors, qu'est-ce que tu en penses? Et toi? Moi? Oui. Oh, après ce qui s'est passé, je suis ouais, David. Oui, tu es David refusé. Pas toi? Il est parti? Oui. Qu'est-ce qu'il venait faire? Ben, il venait nous proposer une réconciliation. Oh. Pas possible. Et ouais, même que nous venions à Tuilière. Qui nous? Mais tous les quatre. Oh. Ah ben, il n'a pas peur. Qu'est-ce que tu as répondu? Tu l'as envoyé promener? Ah, tu penses? Il a insisté pour que je transmette sa proposition à ta mère. Oui, mais... bien, nous parlons de tout cela un peu plus tard. Anne-Marie, veux-tu mettre le couvert, je te prie? Oui, maman. Dis donc, papa. Mm-hmm. Vous n'avez pas accepté tout de même? Ben, je ne pense pas. C'est joli, Tuilière. Ah oh, oui, c'est joli. C'est grand? Oh, le parc a 18 hectares. Hein. Et puis, il y a les terres autour. 18 hectares? Oui. Où est l'album de photos? Oh, tiens. Oui. C'est profond, la rivière. Par endroit, oui. Il paraît qu'il y a un plongeoir, maintenant. C'est vrai? Mais c'est la maison, ça? Oui, c'est l'entrée. Et ça, c'est la cour des communs. Et là, qui est-ce? Ben, c'est grand-mère, tu le sais bien. Et là, à côté? Ben, c'est Charlotte, Jérôme et Maxime, leur fils, votre cousin. Eh bien, il en a une touche. Oui. Et là, c'est la pauvre Lucie. Lucie, c'est celle qui est dingo? Oui. Ben, il n'y a pas à dire, il a une sale tête, Jérôme, hein? Si tu voulais bien ne pas parler comme ça de ton oncle... Ah, là du nouveau, qu'est-ce que vous en dites? Mais ta mère a raison, tu ne respectes rien. Bon, je ne savais pas, mais il faut prévenir. Et ça? Hein? Tu sais qui c'est? Non. Eh bien, c'est moi. Ah, oui. Ah non. Non, quel amour. Oh, un vrai Jésus. Et l'avorton, là, à côté, qui est-ce? Mais, ton oncle Jérôme. Oui, le jour de sa première communion. Oh, le bon petit garçon. Qui ça? Eh bien, l'oncle Jérôme. Oh, idiot. Anne-Marie, finis oui. De mettre le couvert. Hein, j'apporte l'omelette. Oh, mais je ne suis pas rasée. Tu te raseras après le déjeuner. Et qu'est-ce qu'il y a à manger? Une omelette, le gigot réchauffé d'hier, avec des haricots. Oh, bravo. Ça te plaît? Oh, c'est tout ce que j'aime. Et j'ai une faim. Dans le parc, un mois plus tard, Madame Antonin Formère et Jean-Pierre sont assis l'un en face de l'autre à une petite table et font une partie de cartes. Anne-Marie, debout derrière Madame Antonin Fort et tenant Frémousset dans ses bras, surveille la partie. Suzy et Charlotte tricotent dans des fauteuils. Loulou, étendu sur une chaise longue, lit un roman. Marcel, la palette à la main, est debout devant une toile commencée et peint. Vous ne vous baignez donc pas aujourd'hui? Siméon Clermont a demandé qu'on l'attende. Comment il revient donc? Il paraît. Quand vous l'a-t-il dit? Ce matin en partant. Vous l'avez vu? J'étais à ma fenêtre en train de m'habiller. Il m'a crié qu'il serait là vers 4 heures et qu'il ne fallait surtout pas se baigner sans lui. Décidément. Quoi? Oh, rien. J'ai envie de me baigner, moi aussi. Oh, oui, papa, allez, tout le monde se baigne. Et qu'est-ce que tu en dis, Suzy? Oh, tu es complètement fou et tes rhumatismes. Oh, pour une fois. Ah, une fois suffit pour te donner une crise. C'est parfaitement inutile. Vous ne trouvez pas, Charlotte? Ça ne me paraît pas très raisonnable. Ah, tu vois, Charlotte est de mon avis. Tu viendras faire une promenade à pied avec moi, tiens. Ça, c'est de notre âge. Bien. Le chauffeur demande s'il peut partir. Il devrait déjà être parti, qu'il se dépêche, il n'a que le temps. Bien, madame. Où va-t-il? Il est à la gare, chercher Jérôme. Et pourquoi à la gare? Jérôme revient de Lyon, ma mère. Ah, oh, c'est vrai. On ne pourrait pas dire au chauffeur de passer en ville chercher le ballon de Waterpolo? Il devait être réparé pour midi. Non, ça le retarderait trop. D'ailleurs, il doit déjà être parti. Vous pouvez déjà y voir? Anne-Marie, puisque ta tante te dit que c'est impossible. La camionnette passera le prendre demain en allant en provision. Oui, mais comme ça, on l'aurait eu aujourd'hui. Oh, Anne-Marie! À qui l'as-tu donné? C'est Bob Laroche qui s'en est chargé. Ah, le causeur. Oh, on ne dit pas de mal, il est très gentil. Oh, sûrement. Il ne faut pas avoir de train à prendre quand il a quelque chose à vous dire. Mais à part ça, il est très gentil. J'ai l'impression qu'il te trouve très jolie, Anne-Marie. Ah oui? Il n'arrête pas de la photographier. Ça prouve qu'il n'a pas mauvais goût. Tu me garderas un petit? Oh, idiot. Quelle charmante femme que Madame Laroche. Oui, un peu fatigante parfois. Elle est née quoi? C'est une Laroche Montaigu. Elle a épousé son cousin Germain. Et un sinistre raseur. Oh oui! Un sinistre raseur, mais la plus grosse fortune du pays. Ils sont très riches. Les Laroche? Oh, je pense bien. Mais d'où vient leur fortune? Phosphate et compagnie de navigation. Oh. Vous n'avez pas vu leur bateau dans le port? Marcel ne vous les a pas montrés? Ah, je n'y ai pas pensé. Ils ont tout un dock à eux. Sapristi! Mais qui dirige la maison maintenant? Nominalement, c'est elle, mais avec la vie qu'elle mène, elle n'a pas le temps de s'en occuper. En fait, c'est Tiercelin, un ancien employé de son mari, qui est vaguement leur parent. Elle a une vie très agitée. Plutôt. Elle reçoit beaucoup. Oh, c'est pas seulement ça. C'est de sa vie sentimentale que je voulais parler. Ah. Elle est fort remplie. Alors, ce monsieur Brincourt qui était là l'autre soir, c'est... Oui, c'est l'actuel favori. Et qu'est-ce qu'il fait? Mais rien. Oh. Ça. Mais qu'est-ce qu'on pense de tout ça dans la région? Ma chère, quand on a la fortune de Laroche, on peut tout se permettre. Marcel, quand veux-tu que nous allions faire cette promenade? Mais quand tu voudras, tout de suite, si tu veux. Bon, bah alors je vais mettre mon chapeau. Qui est-ce qui vient avec nous? Jean-Pierre, ça ne te tente pas? Oh, tu sais, hein, moi, les promenades à pied. Hein. Et toi, Anne-Marie? Non, merci, papa, ça me mettrait trop tard pour le bain. Oh, j'avais peur que tu ne dises oui. Pourquoi, grand-mère? Mais parce que je ne t'aurais pas vue pendant 2 heures, tiens. Grand-mère, c'est trop gentil ce que vous venez de dire. Écoute. Quoi? Aide-moi à me lever. Viens me voir dans ma chambre tout à l'heure, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise, tu verras. N'en parle pas. Viens. Tu n'oublieras pas. Soyez tranquille. Après le pain. Bon. Qu'est-ce que vous complétez toutes les deux? C'est un secret, ça ne te regarde pas. Ah, quel amour. Oh, elle est gentille. Quand je pense qu'on m'a privée d'elle pendant 18 ans, jamais je ne m'en consolerai. On nous rattrapera ça, maman. Oh, il ne reste plus beaucoup de temps pour rattraper ça. Oh, allons donc. Écoute. Et quoi? Es-tu capable de garder un secret? Oui. Eh bien, je vais lui donner mon petit collier de perles. Tu sais, mon petit collier de jeune fille. Oh, tu es trop gentille. J'aurais bien aimé lui donner l'autre, celui qui me vient de ton père, mais je l'ai promis à Charlotte. J'avais vaguement dit que je laisserais le petit à Loulou. Ouais, tant pis. Oui, mais si Loulou y compte, ça fera des histoires. À ce moment-là, les histoires ne me gêneront plus. Seulement, il ne faut pas que Charlotte sache, elle me ferait une vie impossible. Non, en tout cas, je te remercie, maman. Oh, j'ai bien le droit, une fois par hasard, de faire ce qui me plaît. Tu es prêt, Marcel? Oui, je viens tout de suite. À tout à l'heure, maman. À tout à l'heure. Et merci pour la petite. Bonne promenade. Merci. Allez, viens, je te fais un ping-pong. Non, il fait trop chaud. Justement, le bain est meilleur quand on a chaud. Allez, viens. Oh. Vous voulez prendre Frémousset, grand-mère? Où vas-tu? Nous allons faire une partie de ping-pong. Ah, bien, je vais vous regarder. Oh, mais qu'est-ce que tu as à grogner, toi? Tu veux aller te promener? Oh non, tu m'ennuies. Ouf, Enfin, un peu de tranquillité. Chut, fais attention, on peut t'entendre. Je ne peux plus les supporter. Dis-moi, allons, voyons, ne t'énerve pas, Loulou. Mais enfin, est-ce qu'ils ne s'en iront plus jamais? En tout cas, ils ne parlent pas de leur départ. Ah, s'ils ne sont pas partis le 1er septembre, moi, je vous préviens, je vais m'installer chez maman. Mais tu ne vas pas faire l'imprudence d'un déplacement dans l'état où tu es. Alors qu'ils s'en aillent. Je ne peux pourtant pas les mettre à la porte. Oh, oh, cette voix, mais pas si fort! Non, non, voyons. Ah, oh, ce qu'elle peut m'énerver. Elle a toujours l'air de dire, moi qui suis tellement jolie, moi qui ai tellement de charme. Grand-mère, elle la trouve idéale, elle passe ses journées entières à la regarder. Elle en oublie jusqu'à son chien, c'est tout dire. Vous avez remarqué quand elle l'a emmenée à l'écart pour lui parler? J'ai pas fait attention. Je ne sais pas ce qu'elle avait à lui dire, mais... En tout cas, elle ne tenait pas à ce que nous l'entendions. Tu crois? Ensuite, elle a parlé à l'oncle Marcel et au moment de partir, j'ai très bien entendu qu'il la remerciait. Qu'il la remerciait? Oui. Tu es sûre de ça? Absolument sûre, j'ai entendu merci pour la petite. Tiens, tiens. Qu'est-ce que vous croyez? Je ne sais pas, mais en tout cas, tu fais bien de me prévenir. N'est-ce pas? Voilà une auto. C'est la voiture d'oncle Armand, je reconnais le bruit du moteur. Oui, oui, c'est Armand, tiens. Maxime est là aussi. À cette heure-ci? Citoyenne, je vous salue. Et comment va la pauvre paralytique? Très bien, merci. Te voilà déjà, mon grand? Oui, il n'y avait pas grand-chose à faire au bureau, alors j'en ai profité pour venir me baigner. Autant de Charlotte, regardez le ravissant costume de bain qu'on clairement s'est payé. Hein? Non, ouais. Non, mais qu'est-ce que vous en dites? Vous allez mettre ça? Eh ben, pourquoi pas? Anne-Marie, j'ai rapporté le ballon de water polo, il est dans la voiture. C'est vrai? Oh, c'est gentil d'y avoir pensé. Je vous embrasse pour la fête. Pardon? Oh, je t'embrasse, c'est vrai. Comment vous vous tutoyez maintenant? Oui, mais tout le monde se tutoie. Nous avons décidé ça hier soir après votre départ. Après ton départ? On va vu que Loulou, je n'oserai jamais. Ah, il le faut, sinon tu seras à l'amende. Je trouve ça très gentil, n'est-ce pas, Charlotte? Très. Ah, et où sont donc l'illustre maître et sa courageuse compagne? L'illustre maître et sa courageuse compagne sont allés faire une promenade à pied. Quelle folie! Mais alors, mais qu'est-ce qui va arbitrer la partie de water polo? Moi, si vous voulez. Bravo. Mais ma mère, vous ne savez même pas ce que c'est. Aucune importance. Ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui donne des coups de sifflet. Je vous expliquerai le jeu, grand-mère. C'est ça. Alors, on y va? Allez, oui, on y va. Bon. Et vous, Charlotte, vous ne venez pas? Non, je reste avec Loulou. Oh, je peux rester seule, mère, j'ai l'habitude. Oh, pas si vite! Attendez-moi! Attendez-moi! Armand oublie un peu trop qu'Anne-Marie est une jeune fille. Oh, elle fait bien tout ce qu'il faut pour qu'il l'oublie. Elle a une façon d'aguicher les hommes. Chut, écoute, ça m'étonne que ce soit déjà Jérôme. Non, ce sont les Laroche. Allons bon. Tu ne veux pas les voir? Ah non, merci beaucoup. Bon, alors fais le tour de la maison pour qu'ils ne te rencontrent pas, tiens. Prends mon bras. Mais c'est pas la peine. Si, je ne veux pas que tu montes l'escalier toute seule. Le maître d'hôtel introduit Mélanie et Bob Laroche. Bob porte en bandoulière un petit appareil de cinéma. Il y a personne? Je vais voir, madame. Je t'avais dit qu'il fallait venir plus tôt. Mais ne t'énerve pas, je t'en prie. Il est à peine 4h30, nous avons tout le temps. Il se baigne à 4 heures. Eh bien, tu les verras après le bain, voilà tout. Oui, je voulais être là pour le bain. Je sais. Tu voulais prendre Anne-Marie en train de plonger. Oui. C'est pour ça que tu as été acheter cet appareil coûteux et compliqué dont tu ne sauras certainement pas te servir. Je sais m'en servir. Tu ne sais déjà pas te servir d'un appareil photographique. Ça m'étonnerait que tu saches te servir d'un cinéma. Enfin, si ça t'amuse. Madame, viens tout de suite. Merci. Je les entends, ils sont à la rivière. Eh bien, tu n'as qu'à aller les rejoindre. Je peux. Naturellement. Mais tu n'as pas oublié. Oublié quoi? Ce que nous avons dit. Non, je n'ai pas oublié. Non, tu le feras. Hein? Mais oui. Oh, enfin, je vais voir. Je vais tâter le terrain. Tu diras que je... Je dirai ce qu'il faudra. Je t'en prie, fais-moi confiance. Et surtout, ne t'excite pas comme ça. Bon. Doucement. Bonjour, Mélanie. Dites-moi tout de suite si je vous dérange. Non, pas du tout. J'étais là-haut en train de bavarder avec Loulou. Comment va-t-elle? Bien. Tant mieux. Tout le monde est à la rivière. Je sais, nous les avons entendus et Bob n'a pas pu y tenir. Il est allé les rejoindre. Il a un nouvel appareil de cinéma avec lequel il a l'intention de filmer le bain. Mais quelle bonne idée. Il va essayer, en tout cas. Je ne garantis pas qu'il réussira. Je suis bien contente de vous trouver seule, Charlotte. C'est un peu dans cet espoir que je suis venue, je vous dirai. Vraiment? J'ai un conseil à vous demander. Un conseil? Oui. Un conseil d'une espèce assez délicate. Mais avec vous, je ne me gêne pas. Je parle à cœur ouvert. Mais voyons. Ma chère, Bob est amoureux fou d'Anne-Marie. Non. Au point que c'en est inquiétant pour sa santé. Pas possible. Il ne mange plus, il ne dort plus, il est dans un état de nervosité épouvantable. Il se promène dans le parc en parlant tout seul et en faisant des gestes désordonnés. Enfin, si ça continue, il va tomber malade. Vraiment? Sous certains rapports, c'est un enfant. Mais sous d'autres, c'est un homme. Ah. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Mon Dieu. Faut-il l'éloigner? Le faire voyager? Ou au contraire, tenter une démarche? Mais quoi, il voudrait l'épouser? Mais naturellement! Sapristi! Oui, oh, je me rends bien compte. Comment? Ça doit vous paraître insensé. Non, non, c'est pas ce que je voulais dire. Remarquez bien que il n'est pas méchant. Il a même de jolis sentiments. Un peu naïf, quelquefois. Mais joli. Il a très bon cœur. Et puis enfin, c'est un détail. Mais malgré tout, c'est l'héritier de la maison Laroche. C'est un détail qui a son importance. N'est-ce pas? Il me semble. Vous croyez que c'est une chose à quoi elle sera sensible? Quand je dis elle, enfin, elle et ses parents. Il me paraît difficile qu'il ne le soit pas. Oh, oh bien. Ah, vous me faites plaisir. Vous me donnez du courage. J'avoue que je n'en menais pas large en venant ici. Je ne peux vous donner qu'une impression, mais... Naturellement. Mais enfin, vous ne pensez pas, a priori, que la chose soit impossible. Pourquoi le serait-elle? Anne-Marie est charmante, assurément, mais enfin... Un Laroche. Oui, évidemment. Alors, vous croyez que je peux en dire un mot à Marseille? Mais certes. Vous ne me rendriez pas le service de le tâter, vous, d'abord? Si vous voulez. Mais il vaudrait peut-être mieux que ce soit son frère. Il n'est pas là, Jérôme? Non, Marcel non plus, d'ailleurs. Ils sont allés faire une promenade, sa femme et lui. Il me semble que j'entends une auto. C'est peut-être eux? Non, ils sont sortis à pied. C'est Jérôme, probablement. Il revient de Lyon. Ah? Alors, écoutez. J'ai envie de vous laisser en parler à Jérôme. Voir ce qu'il en pense. S'il juge comme vous que la chose est réalisable, peut-être sera-t-il assez gentil pour tâter Marcel quand il rentrera. Ah, voilà Jérôme. Pas trop fatigué? Suffisamment. Tiens, bonjour Mélanie. Comment ça va Jérôme? Merci. Vous arrivez de Lyon? Oui. Vous avez dû mourir de chaleur dans le train. Oui, il a fait chaud. Veux-tu prendre quelque chose? Non, merci. Je vous laisse. Vous partez? Je ne m'en vais pas. Je vais voir un peu comment se passe le bain. Mais je vous reverrai. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous n'oubliez pas, Charlotte? Non, non, soyez tranquille. Je suis bien impatiente de savoir ce qu'il en pense. De quoi est-elle impatiente? Je te dirai. Mais d'abord, parle-moi de ton voyage. Où en es-tu avec Grenier? Il faut que nous allions voir ton père après le dîner. Pourquoi? Il faut qu'il m'aide à faire mon échéance du 31. Sinon, c'est fini, nous sautons. Comment? Grenier m'a plaqué. C'est pas possible. Si. Mais c'est abominable ce qu'il a fait là. Ils sont dans leur droit. Je ne vais pas les obliger à lever leur option. D'ailleurs, même s'ils le voulaient, j'ai l'impression très nette qu'ils ne le pourraient pas. Ils viennent d'avoir un coup dur, eux aussi. Mais je croyais qu'en tout cas, tu avais jusqu'à fin septembre. C'est eux qui avaient jusqu'à fin septembre pour se décider. Ils n'ont pas attendu jusque-là. Ils m'ont prévenu hier qu'ils renonçaient à l'affaire. C'est parfaitement correct. Le résultat, c'est qu'il me manque 800 000 francs pour faire mon échéance. Mais les banques... Les banques ne marchaient que sur l'aval de Grenier. Il n'y a plus que ton père qui puisse nous tirer de là. Mais jamais papa ne trouvera à t'avancer 800 000 francs d'ici la fin du mois. Alors, je déposerai mon bilan. Jérôme, tu ne parles pas sérieusement. Tu crois? Mais c'est épouvantable. Qu'est-ce que nous allons devenir? Eh bien, on vendra les usines, les maisons, celle-ci, l'autre. On vendra tout. Mais ça ne suffira pas à éteindre le passif. Mais enfin, Jérôme, tu es fou. Tu parles de ça avec un calme, comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Tu aimerais mieux que je me roule par terre en poussant des cris de désespoir? À quoi ça avancerait-il? J'ai lutté tant que j'ai pu. J'ai fait tout ce qu'il était possible de faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la décision de ton père. Oh, je ne croyais pas que nous en étions là. Ici. Bon, alors maintenant, parlons d'autre chose, veux-tu? Voilà 2 jours que je suis dans cette mélasse. Je voudrais m'aérer un peu le cerveau. Si c'est possible. Oui, Marcel. Il est allé faire une promenade avec sa femme. Ils ne vont pas tarder à rentrer. J'espère qu'ils vont avoir la bonne idée de réintégrer Bois-Colombes, ceux-là. J'ai plus besoin de lui, maintenant. Ils n'ont pas parlé de leur départ ? Pas question. Ah, décidément. Ils se trouvent bien, ici. Tu les as invités pour tout l'été. Ils en profitent. Fichue idée que j'ai eue, là. C'est assez mon avis. Enfin, il y a au moins quelqu'un qui ne le regrette pas. C'est ta mère. C'est plus de l'amour qu'elle a pour cette petite, c'est de la passion. Au fait, figure-toi que Bob Laroche en est tombé éperdument amoureux. D'Anne-Marie ? Oui. Il ne dort plus, ne mange plus. Il en est malade. Pas possible. C'est à ça que Mélanie faisait allusion tout à l'heure. Elle m'a demandé de t'en parler. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il voudrait l'épouser. Sérieusement ? Mais il ne pense plus qu'à ça. Non. Et Mélanie, qu'est-ce qu'elle en dit ? Elle voudrait que tu tâtes Marcel. Alors, elle est d'accord ? Mais oui. Et tu ne me dis pas ça ? Comment ? Mais c'est la première chose dont tu aurais dû me parler, voyons ! Mais tu ne comprends pas ce que signifie ce mariage dans la situation où nous sommes. Mais je suis sauvé. J'ai plus besoin des Lyonnais, j'ai plus besoin de ton père, j'ai plus besoin de personne. L'alliance des Laroche, ça vaut tous les avals, toutes les signatures du monde. Oh, nom de Dieu. Eh ben, t'en as de bonne, toi. M'annoncer ça comme si c'était une nouvelle sans importance. Je ne pensais pas que... Mais tu avais tort de ne pas penser. Maintenant que tu me le dis, en effet, je me rends compte... Mais voyons, mais c'est inespéré, ça change tout. Je vais les foutre tous les deux du conseil, Marcel et son futur gendre. Demain, en arrivant au bureau, je laisse discrètement filtrer la nouvelle et tu verras si dans 2 jours, les banques prennent notre papier. Elles viendraient plutôt le chercher à domicile. Oh. Ah ben j'aime mieux ça. La lumière a une autre couleur tout d'un coup. Tu ne crains pas que la petite... Quoi la petite? Je ne sais pas, mais avec l'éducation bohème qu'elle a reçue, elle est capable de trouver que... Quoi? Il est très gentil, Bob. Oui, il est très gentil, mais tu sais ce que c'est qu'une jeune fille, surtout une jeune fille comme elle, qui a été élevée en dehors de tous les principes, avec une mère comme la sienne et... J'ajouterais un père comme le sien. Il faut toujours se méfier du romanesque. Eh, t'inquiète pas de ça. Il y a des arguments auxquels la jeune fille la plus romanesque ne résiste pas longtemps. Va me chercher Mélanie. Et puis dis à Cyprien qu'il m'apporte le porto. J'ai besoin de m'en monter. Tu vas pas trop vite en besogne, non ? Et non, mais non, non. Et puis j'ai pas le temps d'aller lentement. Il faut que dès demain, la nouvelle puisse se répandre. Cyprien, servez à monsieur du porto. Alors... Je vais chercher Mélanie. Oui. Dis-moi, quelle heure est-il ? Il va être 5 heures. Bon, dis-lui qu'elle se dépêche. Pourquoi ? Fais ce que je te dis. Bon. Merci. Monsieur ne veut pas de gâteau ? Non, ça va. Monsieur a fait bon voyage ? Très bon, Cyprien, très bon. Ah, Cyprien. Monsieur ? Vous servirez du champagne à dîner. Ah bien, monsieur. Croyez-vous, hein ? Quelle aventure ! Vous avez vraiment l'impression que mon pauvre Bob... Vous avez votre voiture ? Oui. Combien vous faut-il de temps pour aller en ville ? D'ici ? Je ne sais pas. Un quart d'heure, pourquoi ? Sarlin n'est pas encore fermé à cette heure-ci ? Sarlin ? C'est pas votre bijoutier ? Si. Ah, je comprends. Mais vous croyez que je peux déjà ? Parbleu. La bague ? Mesdames ! C'est que... J'aurais préféré la faire venir de chez Cartier. Ici, vous savez... Oh, c'est comme ça que vous faites marcher les affaires de la région, vous ? C'est pas étonnant si tout va si mal. Je ne demande pas mieux que de la prendre chez Sarlin, si je trouve quelque chose de convenable. Ils ont de très belles pierres, vous savez, chez Sarlin. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Un brillant ? Non ? Oh, ça... Je vous demande un conseil. Je ne vois guère que le brillant. Ils en ont de très beaux. Oh, mais je veux que ce soit parfait. Et vous avez raison. J'aime mieux que la pierre soit petite, mais sans défaut. Oui. Oui, la prenez pas trop petite. Soyez tranquille. Je suis pas inquiet. Je voudrais trouver la taille émeraude, c'est tellement plus joli. Oh, c'est vrai. Mais imaginez que ça ne se fasse pas. Eh bien, vous rendrez la bague, voilà tout. Oui, évidemment. Mais quand je m'occupe d'une affaire, en général, elle se fait. Oui. Oui, enfin, quand je dis une affaire, enfin, c'est... C'est une affaire de cœur. Voilà, voilà. Oh, je suis bien contente, vous savez. Ah, seulement, vous savez, je ne veux pas d'un neveu qui ne fait rien, moi. Il faut qu'il travaille. Oh, pauvre Bob, comment voulez-vous ? Oh, mais il travaillera, je vous le garantis. Pour commencer, je vais le prendre à mes gens dans mon conseil d'administration. Oh, Jérôme, c'est trop gentil, mais... Mais quoi? Je me demande si vous ne vous faites pas des illusions sur... Laissez-moi faire. Je le prendrai avec moi. Je lui apprendrai ce que c'est qu'une affaire, et avant 2 ans, c'est lui qui dirigera la sienne. Le père tire cela pourra se reposer. Ça serait trop beau. Alors, je pars? Mais je pense bien que vous partez. Et dépêchez-vous, vous n'avez que le temps. Ah, vous dînez ici, naturellement. Oh, vous êtes gentil, mais... Non, vous pouvez pas faire autrement, voyons. C'est que je ne peux pas abandonner pour un cours. Lui aussi, ça va de soi. Bien sûr. Alors, revenez d'abord hein, avec la chose en question, et puis vous irez le chercher. Eh bien, j'accepte. Et vous savez, je vous remercie du fond du cœur, tous les deux. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans vous. Allez, voulez-vous tirer? Allez, à tout de suite, à tout de suite. À tout de suite. Ne vous dérangez pas, Charlotte. Je connais le chemin. Tu es épatant, Jérôme. Si c'était jamais plus difficile que ça de gagner sa vie. La bague, ça fait partie des arguments dont tu parlais. Parbleu. Et puis, si celui-là ne suffit pas, il y en a d'autres. Seulement, il faut avoir tout sous la main au bon moment. C'est pour ça que je lui ai dit de se dépêcher. Je crois que les voilà. Qui? Marcel et Suzy. Ils reviennent par la prairie. Ah. Deuxième paragraphe. Et tu ferais bien de descendre un peu à la rivière et de t'arranger pour que le bain se prolonge. Oh. Il faut que je puisse parler tranquillement aux parents d'Iphigénie. Je vais faire servir le thé sous la tonnelle. C'est ça. Bon courage. Merci. Tu n'es pas trop fatigué? Je serai fatigué après. C'est pas le moment. Bonjour, Jérôme. À votre santé. Ah, te voilà revenu. Ah, me voilà revenu. Un peu de porto, Suzy? Oh non, merci. Et toi, Marcel? Ah, c'est une idée. Non, non, non, Marcel, c'est mauvais pour ton foie. Oh, un doigt. Non. Bon, bon. Tu es contente de ton voyage? Oui, enfin, je te raconterai. Ah, je t'annonce que tu es administrateur. Oh, je te remercie. Oh, tu plaisantes. Ils n'ont pas fait de difficultés. Qui? Eh bien, les gens de Lyon. Ah, il aurait plus manqué que ça. Et à part ça, tu as obtenu ce que tu voulais? Non, non, mais ça ne fait rien. Je t'expliquerai. Pour l'instant, j'ai à vous parler à tous les deux de quelque chose de beaucoup plus important. Mais quoi donc? Elle en fait belle, votre fille. Anne-Marie? Qu'est-ce qu'elle a fait? Vous ne savez rien? Mais non. Vous ne savez pas qu'elle a complètement fait tourner la tête au pauvre Bob? À Bob Laroche? À Bob Laroche, parfaitement. Allons donc. C'est comme j'ai l'honneur de vous le dire. Mais qui vous a parlé de ça? Sa mère, qui est venue se plaindre à Charlotte. Non. Il paraît qu'il ne dort plus, qu'il ne mange plus, qu'il ne pense plus qu'à elle. Oh, mais je suis désolée. En tout cas, ce n'est sûrement pas la faute d'Anne-Marie. Elle est incapable de s'amuser à une chose pareille. Ça, je te le garantis. Oh, oui. C'est une fine mouche, Anne-Marie, avec son air de pas y toucher. Oh, pardon, non, elle n'est pas coquette, n'est-ce pas, Suzy? Et puis, ils n'ont jamais été seuls. Mais qu'est-ce que vous en savez? D'ailleurs, ça n'empêche rien. Anne-Marie est assez jolie pour lui avoir tapé dans l'œil à distance. Oh, c'est entendu, mais alors reconnais que ce n'est pas de sa faute. Je reconnais tout ce que tu voudras. Ah, bon. Ça n'empêche pas qu'il en est fou. Bah, c'est très malheureux pour lui, mais qu'est-ce qu'elle peut y faire? Elle peut l'épouser, pardi. Non, tu plaisantes. Oh. Quoi? Oh, mais, voyons, Jérôme. Anne-Marie, épouser ce pauvre diable. Pauvre diable? Mais des pauvres diables comme lui, il n'y en a pas à remuer à l'appel. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Oui, je sais bien qu'il a de l'argent. Ah oui, ça, il en a. Enfin, il est à moitié idiot. Bob? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as déjà causé avec lui? Causé avec lui? Ce n'est pas commode. Comme dit Jean-Pierre, il ne faut pas avoir de train à prendre. Mais parce qu'il est timide, tout simplement. Une fois mis en confiance, il n'est pas plus bête qu'un autre. Mais tous ces tics, Jérôme, ces grimaces, ces soubresauts, c'est inquiétant. Voulez-vous que je vous dise d'où ça vient? C'est un garçon qui a besoin d'une femme, voilà tout. Ah non, tiens, tais-toi. Rien que de penser qu'Anne-Marie... Oh, j'en suis malade. Mais t'écoutez, on dirait que c'est un monstre. Mais presque. Non, non. Enfin, Suzy, vous qui êtes une femme de bon sens, est-ce que c'est un monstre? Oh non, on ne peut pas dire ça. Mais ah! Enfin, tout de même, vous savez... Pas non plus un Adonis, évidemment. Un garçon moyen. Très moyen. On y en a beaucoup. Seulement, il a eu contre lui de naître avec une grosse fortune et de ne pas avoir à fournir la preuve qu'il était capable de gagner sa vie. Alors on dit, c'est un idiot. Eh ben non, c'est pas vrai. En tout cas, C'est très exagéré. Mais enfin, tu ne vois pas un petit être frais et sain et pur comme Anne-Marie, livré à cette espèce de dégénéré. Dégénéré, hey, tout de suite les grands mots. Mais parfaitement, et c'est forcé. Ils passent leur temps à se marier entre eux dans ces familles. Jamais de sang nouveau, alors voilà le résultat. Eh bien justement, pour une fois, ce sera du sang nouveau. Ah non, pas celui d'Anne-Marie, ça je ne veux pas. Tu pourrais peut-être demander l'avis de sa mère avant de décider. Enfin, Suzy, tu penses comme moi. Enfin, songez aux enfants, Jérôme, comme ce serait grave. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ils auront de très beaux enfants. Mélanie a été ravissante, vous savez. Quant à son mari, oui, il n'avait rien inventé. Il était parfaitement normal. C'est pas parce que Baba était un peu retardé dans son développement qu'il faut désespérer de la race. Puis enfin, à cet égard-là, nous ne pouvons pas nous montrer tellement difficile. Si l'atavisme des Laroches t'inquiète... Qu'est-ce qu'il dirait du l'autre? Comment ça? Et Lucie? Ah, ça c'est vrai, ça, oui. Une question, si tu veux m'en croire, il vaudra mieux ne pas soulever. Bah, il n'y aura pas à la soulever. Attendu, nous ne voulons pas de ce mariage. Pardon, pardon. Il y a aussi la principale intéressée à consulter. Oh, quant à ça, je suis tranquille. Je connais Anne-Marie. Enfin, on peut toujours lui demander ce qu'elle en pense, non? Mais vous croyez qu'il a vraiment l'intention de demander sa main? S'il en a l'intention. Mais sa mère n'est venue que pour ça. Elle est allée faire une course en ville, mais elle va revenir. Et entre-temps, elle m'a chargé de vous pressentir. C'est une demande, tout ce qu'il y a de plus officiel. Oh, c'est formidable. En quoi? Tu ne vas tout de même pas te formaliser parce qu'on demande la main de ta fille? Ça n'a rien d'humiliant. Oh, non. Oh, tu es inouïe, ma parole. On t'offre pour gendre l'héritier non seulement d'une des plus grosses fortunes, mais d'une des plus vieilles familles du pays. Des gens qui, depuis je ne sais pas combien de générations, sont considérés comme ce qu'il y a de mieux ici. Qui font la pluie et le beau temps dans la société, sur lesquels il n'y a jamais eu ça à dire. Tu as en ville la plus belle maison ici, propriété, comme il n'y en a pas à 10 en France. À Paris, un hôtel somptueux, une villa à Cannes, un yacht, etc., etc. Grâce à qui ta fille deviendrait une espèce de petite reine, gâtée, choyée, reçue partout, dans les maisons les plus fermées de la région et dans les salons les plus élégants de Paris, vivant dans un luxe princier, au milieu de collections uniques. Ce que vous avez vu à Beau-Tiran n'est rien auprès de ce qu'ils ont en ville et à Paris. Et non seulement il refuse, mais encore il se trouve offensé. Ah, oh, tu vas un peu fort, mon ami. Jérôme a raison, Marcel. C'est plutôt flatteur qu'autre chose. Ah, je te prie de le croire. Mais ce n'est pas ça qui empêchera ce garçon d'être un dégénéré. Ah, oh, croyez-vous qu'il est assommant avec son dégénéré? Il a trouvé ce mot-là, alors maintenant il va s'en gargariser jusqu'à demain. Alors, tu aimes mieux qu'elle épouse un employé de bureau à 1500 francs par mois, qu'elle s'esquinte la santé à faire elle-même son ménage et qu'elle mette au monde des enfants chlorotiques. Dis, c'est ça que tu souhaites? Non, je souhaite qu'elle ait un mari qu'elle puisse aimer. Aimer, aimer. Est-ce que ça dure, l'amour? Ah, quelquefois. Allons donc. Oh, les mariages d'amour sont toujours ceux qui finissent le plus mal. Ah, pas toujours. N'est-ce pas, Suzy? Oh, oui, mais enfin, il y a tout de même du vrai dans ce que dit Jérôme, tu sais. Ouais, en tout cas, elle n'a que 18 ans, nous avons le temps d'y penser. Ah, tu crois? Bah, dame. Eh, tu feras bien, au contraire, de lui trouver rapidement son petit employé à 1500 francs, si tu veux qu'elle ait encore de quoi manger. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu risques fort, à moins que tu l'aies de l'argent de côté, de ne plus pouvoir la nourrir d'ici peu, ta fille. Comment ça, Jérôme? Nous sommes à la veille de sauter. De sauter? Oui. Les Lyonnais nous lâchent. Sans leur garantie, les banques refusent notre papier. Et il me manque 800 000 francs pour mon échéance du 31. Voilà. Mais comment est-ce possible? Voyons, quand vous êtes venu nous voir à Paris il y a un mois... Il y a un mois, les Lyonnais voulaient nous racheter toute l'affaire. Ils trouvaient que la moitié, c'était pas assez. Maintenant, ils trouvent que c'est trop. Beaucoup trop. La crise a fini par les avoir, eux aussi. Mais alors, comment vas-tu faire? Tu n'as pas 800 000 francs à me prêter d'ici 8 jours? Oh. Non? Alors, il n'y a qu'à fermer boutique et à déposer notre bilan. Vous voulez dire la faillite? La faillite, oui. Après 100 et quelques années de prospérité et d'intégrité, la maison Antonin Fort va faire faillite. Oh, tu vois peut-être les choses trop en noir. Tu crois? Tiens, regarde ce petit papier. C'est la situation en chiffres ronds. Tu te rends compte? Oh, tu sais, moi, les chiffres... Oui, ça ne te dit rien. Alors fais-moi l'honneur de me croire. En admettant que les usines et les immeubles se vendent pour les prix portés ici, et c'est un maximum, il restera un passif d'une dizaine de millions. Un passif? Oui. Mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que nous devrons encore 10 millions à nos créanciers. Mais c'est épouvantable, ça. J'aurais préféré ne pas vous le dire. Mais devant l'obstination de Marcel à ne pas vouloir de ce mariage, je suis bien obligé de vous mettre au courant. Mais quel rapport y a-t-il entre ce mariage et l'autre chose? Je ne te parle pas de ce qu'il y a de déshonorant à faire faillite quand on s'appelle Antonin Fort, ni du scandale que ça va provoquer. Au point où nous en sommes, ces choses-là sont secondaires. Mais il y a maman. Tu as pensé à maman? Tu sais que tout ce qu'elle a est dans la maison? La misère à son âge, c'est dur. C'est épouvantable. Mais c'est épouvantable parce que tu t'obstines à considérer ce mariage comme une calamité, ce qui est faux, tu entends, mais archi faux. Parmi toutes les jeunes filles que nous connaissons, il n'y en a pas une qui ne voudrait être à la place d'Anne-Marie en ce moment. Pas une! C'est le rêve à toutes d'épouser Bob Laroche. Eh ben, elles ne sont pas difficiles. J'en connais qui en feront une maladie quand elles apprendront ça. Non, nous ne pouvons pas exiger de cette petite... Mais qui te parle d'exiger? Il n'est pas question de ça. Nous pouvons toujours lui demander son avis. Bah, il me semble. Oui, mais si on lui dit que ce mariage nous sauverait de la ruine, elle est capable, dans son bon cœur, de se sacrifier. Ou alors, il ne faut pas lui parler de cette question-là. Tu ne peux pas ne pas lui dire la vérité. Elle serait en droit, un jour, de te le reprocher. Allez, je vais toujours l'envoyer chercher. Oui, mais il vaudrait mieux que nous soyons seuls, Suzy et moi, pour lui parler. Sois tranquille. Je n'ai pas l'intention de rester. Monsieur. Allez, Cyprien, descendez à la rivière et priez Mademoiselle Anne-Marie de bien vouloir venir. Bien, monsieur. Ah, et puis, quand Madame Laroche arrivera, conduisez-la directement à la tonnelle, sans passer par ici. Oui, monsieur. Voilà. Vous ferez ce que vous voudrez, naturellement. Mais j'estime, moi, que vous ne devez rien cacher de la situation à Anne-Marie. C'est plus une enfant que diable. C'est une fille sérieuse et raisonnable qui doit se décider en toute connaissance de cause. Voilà mon avis. Qu'est-ce que tu penses, Suzy? Moi, il me semble que Jérôme a raison. C'est évident. Mais il est bien entendu que nous la laisserons entièrement libre de faire ce qu'elle veut. Ah, naturellement. Mais ça va de soi. Vous lui exposez la situation telle qu'elle est, et c'est elle qui décide. Il ne faut rien lui dire qui puisse l'influencer. Écoute, c'est toi qui lui parleras. Hein? Comme ça, tu seras tranquille. Oui. Seulement, tu ne l'influenceras ni dans un sens, ni dans l'autre. Bien, la voici. Mesdames, messieurs, nous interrompons quelques instants notre émission Comédie française et théâtre contemporain pour vous permettre d'entendre notre bulletin d'information. Mesdames, messieurs, nous reprenons maintenant la diffusion de la pièce d'Édouard Bourdet, « Les temps difficiles », interprétée par la Société des comédiens français. Nous avions laissé Marcel et Suzy bouleversés par la demande en mariage de leur fille Anne-Marie par la mère de Bob Laroche. Qu'est-ce que tu penses, Suzy? Moi, il me semble que Jérôme a raison. C'est évident. Mais il est bien entendu que nous la laisserons entièrement libre de faire ce qu'elle veut. Ah, naturellement. Mais ça va de soi. Vous lui exposez la situation telle qu'elle est, et c'est elle qui décide. Il ne faut rien lui dire qui puisse l'influencer. Écoute, c'est toi qui lui parleras. Hein? Comme ça, tu seras tranquille. Oui. Seulement, tu ne l'influenceras ni dans un sens, ni dans l'autre. Bien, la voici. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, oncle Jérôme. Bonjour, ma chérie. Bon bain? Oh, merveilleux. Ah. Vous voulez me parler? Pas moi. Tes parents. Je te laisse avec eux. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Jérôme. Qu'est-ce que c'est, tout ce mystère? Assieds-toi là. Tu n'as pas froid dans ce costume? Non, je me suis séchée au soleil. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ton père va te le dire. Ce que je donnerais pour que nous ne soyons pas venus ici. Ah, écoute, si tu commences comme ça, alors... Vous faites peur, tous les deux. Ah, je te jure qu'il n'y a pas, ma petite fille. Non, enfin, Marcel, c'est ce que tu appelles ne pas l'influencer. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? J'en suis malade, moi, de cette histoire. Eh bien, papa, je t'écoute. Ma petite fille, oui, ta maman et moi... Oh non, tiens, j'aime mieux que ce soit toi qui lui dise. Moi, je ne peux pas. Oh, mais tu es ridicule, Marcel. Tu finiras par l'impressionner avec ta façon de dramatiser les choses. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il paraît que Bob Laroche est amoureux de toi. Non. Tu ne t'en doutais pas? Moi? Il ne t'a jamais rien dit qui puisse te le faire supposer? Jamais. Il me regardait beaucoup, évidemment. Il passait son temps à prendre des photos de moi, mais c'est tout. Eh bien, il paraît qu'il t'aime comme un fou. Pas possible. Mais au point d'en avoir perdu le sommeil et l'appétit. Oh, mais c'est sérieux. Mais c'est tellement sérieux qu'il veut t'épouser. Quoi? Mais oui, sa mère a chargé ton oncle de nous demander ta main. Oh, ben ça alors. Crois-tu, hein? Ah, Marcel, je t'en prie, n'est-ce pas? Eh bien, quelle histoire. Oui, ah, tu peux le dire. Quand je pense que si nous étions restés tranquillement à Paris, rien de tout ça ne serait arrivé. Oui, bien, le reste non plus ne serait pas arrivé, n'est-ce pas? Quoi donc? Rien. Comment rien? Ah, ben, non, qu'elle nous dise d'abord sa première impression. Quel effet ça te fait-il? Quel effet ça me fait? Oui, enfin, est-ce que l'idée d'épouser ce garçon te paraît possible ou au contraire... Comment veux-tu que je te dise? Je sais pas, moi, je suis ahurie. Ah, parce qu'il faut bien que tu saches que jamais nous ne te forcerons à l'épouser si ça ne te plaît pas. Ah, ça, je t'en donne ma parole, ma petite fille. Mais je le sais, mais nous ne la forcerons jamais à se marier contre son gré. Elle le sait très bien, seulement il est assez naturel qu'elle connaisse les avantages de ce mariage avant de se décider. Je les connais, les avantages. Ils ne sont pas très difficiles à deviner. Il est très riche, naturellement. Mais très riche et fils unique par-dessus le marché. Tu aurais cette magnifique propriété à côté d'ici que tu connais. Une très belle maison en ville, un ravissant hôtel à Paris, une villa dans le Midi et un yacht. Un yacht comment? Oh, ça, je ne sais pas, mais il est sûrement très beau. Mais pardon, mais tout ça, c'est à Mélanie. Provisoirement, mais elle ne sera pas éternelle, Mélanie. Mais elle est à peine plus âgée que moi. En tout cas, c'est une belle-mère charmante et avec laquelle je suis sûre que tu t'entendrais très bien. Bon, voilà pour les avantages. Maintenant... il faut aussi parler des inconvénients. Mais au passage, je les connais, tu sais. Voilà, Bob. Bon. Bonjour, madame. Bonjour, Bob. Vous allez bien? Merci, oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Anne-Marie. Oui, Bob. Maman m'envoie vous dire qu'elle... Quoi donc? Qu'elle serait contente d'avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Non, attendez que je sois parti. Oh! Qu'est-ce que c'est? Oh! Oh, sapristi! Comment? C'est une bague? Et quelle bague! Tu crois que c'est... Mais une bague de fiançailles, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Oh, c'est formidable. Oh, j'ai jamais rien vu de pareil. Regarde, mais regarde, papa. Oh, ils vont tout de même un peu vite. Oh, tu as vu ces reflets? Et la monture, tu as vu, maman? Oh, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Oh, c'est tellement simple et en même temps tellement... Oh, ce que c'est beau. Oh, je suis folle. Anne-Marie. Quoi? Donne-moi cette bague. Pourquoi? Donne-moi cette bague, je te dis. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Ma cette façon de procéder est parfaitement incorrecte. Je vais la rendre. Oh, non. Mais tu ne veux pas? Non. Mais ma petite fille, tu te rends compte de ce que ça signifie si tu la gardes? Oui. Anne-Marie. Vous croyez, Jérôme? Mais voyons, Mélanie. Regardez, tenez. C'est gagné. Eh bien... Oh, madame. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, c'est admirable. Ça vous plaît, vraiment? Mais est-ce que c'est pour moi? Je ne sais pas. Voulez-vous? Oh. Cher petit. Ah, la bonne heure. Eh bien, Marcel, qu'est-ce que je te disais? Attendez, la bague, c'est Bob. Et moi? Oh, voilà. Oh non, mais non, je ne veux pas. Oh, mais c'est de la folie. Oh. Vous la gâtez beaucoup trop, chère madame. Ah, oh. Il faut qu'elle s'y habitue. Je vous préviens que j'ai l'intention de lui faire beaucoup de cadeaux. Très bien, le coup du collier. Beaucoup d'allure. Eh bien, vous en avez une chance, Anne-Marie. Je suis confuse. Mais il y a de quoi? Jean-Pierre! Jean-Pierre, viens vite! Eh mais Bob, Bob, où est-il, Bob? Tiens, c'est vrai. Bob! Bob! Le voilà! Le voilà! Ah. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde t'attend. Oui, tu n'osais pas te montrer. Eh bien, tu peux venir maintenant. Et tu peux même l'embrasser. C'est... Oui, c'est... elle veut bien. Alors, est-ce que tu te décides à l'embrasser? Je... Anne-Marie, embrassez-le, vous, ma chérie. Sans ça, nous n'en finirons jamais. Merci, Bob. Alors, c'est bien décidé. Tu ne veux pas l'embrasser? Comment non? Non, c'est pas son idée. Mais pourquoi ne veux-tu pas? Et... Il y a trop de monde. Ah, voilà. Eh bien, c'est ça. Emmène-la. C'est ça. Allez faire un petit tour, tous les deux. Venez, nous allons annoncer la nouvelle à Maxime et à l'oncle Armand. Oh, alors ça, je ne veux pas manquer la tête qu'ils vont faire quand ils vont apprendre ça. Vous venez? Oh, oui, il faut voir ça. Et vous, Mélanie? Allons. Cette petite est un amour. Je sens que je vais l'adorer. Ah. Ouf, ça y est, mais j'ai eu chaud. Tu vas laisser faire ça, papa? Oh. Eh ben, ouais. J'ai attendu, et puis elle n'est pas venue. Alors je suis descendue. Où est-elle? Qui? Eh ben, Anne-Marie. Je voulais lui donner son petit collier. Tiens, oh, il n'est pas bien gros, mais pour une jeune fille. Oh, il est très joli, maman. Tu crois que ça lui fera plaisir? Mais bien sûr, maman. Mais... pourquoi n'est-elle pas montée? Elle a oublié? Elle a dû oublier. Hein? Ça m'étonne. Elle qui est toujours si gentille. Oh, elle n'est pas si gentille que ça. À Paris, une chambre à coucher de style moderne et d'une élégance raffinée. Anne-Marie. Qu'est-ce que vous voulez? Ouvrez-moi. Non, je ne vous ouvrirai pas. Si. Laissez-moi dormir, Bob, je vous en prie. Pourquoi ne dormez-vous pas? Je ne peux pas. Prenez un cachet d'Alonal. Dans un quart d'heure, vous dormirez. Je n'en ai pas. Mais si, vous en avez. J'ai mis le flacon dans votre chambre. Je ne peux pas le trouver. Il est sur la petite table à côté de votre lit. Ouvrez-moi. Non, là. Ouvrez-moi. Bob. Écoutez-moi, nous allons pas recommencer toutes les nuits la même chose, n'est-ce pas? Si ça vous amuse de ne pas dormir, c'est votre affaire. Moi, j'ai besoin de me reposer. Allez vous recoucher. Non. C'est comme ça que vous respectez nos conventions, ça m'apprendra. Ouvrez-moi. Non. Regardez, voilà déjà le jour qui vient, je n'aurais pas dormi 3 heures. J'ai quelque chose à vous dire. C'est pas vrai. Si. Vous me le direz demain matin. Non. Tout de suite. Bob, si vous me poussez à bout, vous savez ce que je fais, n'est-ce pas? Je vous ai prévenu, je rentre chez mes parents et vous ne m'en verrez plus. Rien qu'une minute. Pourquoi faire? Je veux vous embrasser. Oui, oh, ça, je sais ce que ça veut dire. Non, Bob, non, je n'en peux plus. Comprenez-le donc, enfin. Oh. Anne-Marie. Quoi? Seulement vous embrasser. Vous le jurez? Oui. Et tout de suite après, vous irez vous recoucher? Oui. Jurez-le. Je le jure. Là, c'est maintenant. Laissez-moi. Non. Oh, Bob, vous avez juré. Laissez-moi, c'est très mal. Non, jamais plus. Jamais plus, je ne... Bob, non. Si vous ne rentrez pas immédiatement dans votre chambre, je sonne Julie. Non. N'en avancez pas ou je vous jure que je le fais. Non, je... Attention, Bob. Non, je ne plaisante pas, vous savez. Allez-vous-en. Non. Vous l'avez voulu, tant pis pour vous, j'ai sonné. Ça m'est égal. Vous n'allez pas vous exposer à ce que Julie vous trouve ici. De quoi serait-il l'air? Allons, Bob, soyez raisonnable et allez-vous-en. Non. Voilà comment vous me remerciez de vous avoir cédé en rentrant dans l'état de fatigue et d'énervement où j'étais. J'ai voulu être gentille, j'espérais que vous sauriez le reconnaître et que nous pourrions rester bons amis, mais ça... Une dernière fois, Bob, voulez-vous aller vous recoucher avant que Julie descende? Non. Non, voilà tout ce que vous savez dire. Un enfant entêté, voilà ce que vous êtes. Je suis votre mari. Je ne resterai pas longtemps si vous continuez, je vous le jure. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi, mais je ne veux pas, pas, comprenez-vous. Mais si vous ne me lâchez pas tout de suite, je crie. Je crie, j'appelle au secours jusqu'à ce que votre mère m'entende. Non. N'y tenez pas, ça. Ça vous est égal de vous conduire comme une brute avec moi, mais vous aimez autant que votre mère l'ignore, n'est-ce pas? Mais s'il faut en arriver là pour que vous me laissiez tranquille, je lui dirai, vous entendez? Je lui dirai. Non. Entrez. Non. Si, entrez, Julie. Non. Madame Massenet? Oui, Julie. Je vous demande pardon de vous avoir réveillée, mais... Je ne me suis pas sentie très bien tout à l'heure. Ça va mieux maintenant. Passez-moi mon peignoir, voulez-vous? Madame ne devrait pas rester debout. Non, non, mais je vais me recoucher tout de suite. Quelle heure est-il? 6h30, madame. 6h30. Madame veut-elle que j'ouvre les rideaux? Non, je voudrais essayer de dormir encore un peu. Madame veut-elle que je lui fasse une infusion? Non, merci, Julie, ce n'est pas la peine. Je suis si fatiguée que je crois que je vais me rendormir très vite. Seulement, vous seriez gentille de rester là jusqu'à ce que je me sois rendormie pour le cas où j'aurais besoin de quelque chose. Ça ne vous ennuie pas? Mais non, madame. Monsieur aussi a besoin de se reposer. Il va aller se recoucher. N'est-ce pas, Bob? Madame ne se recouche pas? Si, dans un moment. Oh, Bob, vous ne voudriez pas aller me chercher la boîte d'Alonal? J'en prendrai un comprimé, comme ça je serai sûre de me rendormir. Madame veut-elle que j'y aille? Non. Vous ne savez pas où elle est. Monsieur va me l'apporter. Vous voulez bien, Bob? Ouvrez! Charlebourg, 1480. C'est lui qui vous répondra. Le téléphone est à côté de son lit et c'est l'heure où il se lève pour aller au studio. Dites-lui que je lui demande de venir tout de suite. Oui, madame. Dites-lui qu'il ne s'inquiète pas, que je ne suis pas malade, mais que je voudrais lui parler. Oui, madame. Et surtout, si mes parents ont entendu la sonnerie, qu'ils les rassurent, qu'ils disent que ce n'est rien de grave, que c'est au sujet de l'appartement que je leur ai trouvé. Tenez. Bien, madame. Anne-Marie a les yeux fixés sur l'entrée de la chambre de Bob, mais celui-ci paraît par une autre porte. Allez-vous-en, Bob. Bob, vous me faites peur. Julie. Et j'ai fermé à clé. Oh, Bob, je vous en supplie, laissez-moi. Non, laissez-moi. Ce soir, je vous le promets, mais maintenant, ayez pitié de moi. Non. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Lâchez-moi, Bob. Non. Qui est là? C'est moi, ma chère petite. Est-ce que Bob est là? Oui. Bonjour, vous m'en pardon, ma chère petite. Mais j'avais absolument besoin de parler à Bob. Vous êtes peut-être déjà au courant? Au courant? Une chose affreuse. Tiercelin s'est tué. Oh! Il s'est tiré une balle de revolver hier soir à 7h dans son bureau. Pourquoi s'est-il tué? Ah, pourquoi? Je n'en sais rien encore, mais j'ai peur de le deviner. Tu te souviens de cette lettre anonyme que j'ai reçue il y a un mois? Non. Non, tu ne te souviens jamais de rien. Ce n'était pas la première que je recevais, d'ailleurs. Je n'y attachais aucune importance, naturellement. Il était fatal que dans sa situation, Tiercelin eût des ennemis et qu'on cherchât à lui nuire dans mon esprit. Monsieur Bertin est arrivé, il demande à voir madame. Chez moi? Oui, madame. Bon, j'y vais. Allez avec votre mère, voyons, Bob. Pourquoi? Mais comment, pourquoi? Ça ne vous intéresse pas? Non. Alors qu'est-ce qui vous intéresse, je me le demande. Pas ça. Vous n'avez donc pas de cœur? Oh, si. Eh bien, on ne le dirait pas, mais vous l'aimiez pourtant, votre cousin Tiercelin. Non. Oh, vous êtes monstrueux, tenez. Et votre mère, que vous laissez seule dans un moment pareil, vous ne l'aimez pas non plus? Non. Mais qui donc aimez-vous, alors? Vous. Oh, parlons-en. Vous avez une drôle de façon de m'aimer. Non, je... Oui, enfin, ne discutons pas. C'est pas le moment. Si vous n'allez pas tout de suite rejoindre votre mère, je penserai que vous êtes un affreux égoïste. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je ne suis pas un égoïste. Alors prouvez-le en vous conduisant mieux. Vous me pardonnerez. Vous pardonnez quoi? Pour tout à l'heure. Nous verrons. Allez maintenant. Bob, vous m'avez entendu. Je... Mais oui, oui, je vous pardonne, là. Mais allez. Allez. Julie. Madame? Vous avez téléphoné? Oui, madame, il y a déjà un moment. Mais monsieur Jean-Pierre n'était pas là, c'est le père de madame qui m'a répondu. Allons, bon. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit que madame avait besoin de voir son frère tout de suite. Mais monsieur m'a dit qu'il n'était pas là, qu'il avait travaillé toute la nuit au studio. Alors, il m'a demandé ce qu'il y avait, si madame n'était pas malade. J'ai dit que non, qu'il ne fallait surtout pas qu'il se tourmente. Mais j'ai bien vu qu'il ne me croyait pas et finalement, il m'a dit qu'il allait venir. Il ne fallait pas, je vous avais dit. J'ai bien essayé de l'empêcher, madame, mais il n'y a pas eu moyen. Qu'est-ce que c'est que ce coup de sonnette? Ça ne peut pas être mon père. Il y a quelqu'un pour ouvrir? Je vais voir, madame. C'est l'oncle de madame. Mon oncle? Il demande à voir madame. Hein? Faites-le entrer. Ah. Vous êtes à Paris, oncle Jérôme? Oui, j'ai pris le train hier soir. Bertin, le sous-directeur, m'a téléphoné à nouvelle à 8h30. J'ai eu le temps de sauter en auto et de le rejoindre à la gare. Nous avons voyagé ensemble. Je l'ai laissé en bas, avec ta belle-mère et ton mari. Il les met au courant. J'en ai profité pour monter t'embrasser. Tu as prévenu tes parents? De. Ah, bah, oui, de ce qui arrive. Pas encore, mais papa est en route pour venir ici. Il l'aura vu dans les journaux. Comment, c'est déjà dans les journaux? Tiens. Lis. Un grand krach industriel. Les établissements Laroche, victimes de la crise. Pris de panique, le directeur se tue. Comment c'est aussi grave que ça? Qu'est-ce que tu croyais donc? Je croyais qu'il s'agissait seulement de Tiercelin. Tiercelin s'est tué quand il s'est senti perdu. Quand il a vu qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. Ah, celui-là... Qu'est-ce qu'il avait fait? Mais il volait, parbleu. Il volait depuis des années. Il spéculait d'une façon insensée à Paris, à Londres, à New York, à Amsterdam. Il a commencé par le faire pour son compte, et puis quand il a eu perdu ce qu'il avait, il a continué sur une plus grande échelle en engageant la signature de la société. Il s'est enferré, il a voulu se rattraper. Enfin, l'histoire habituelle. Ça dure un certain temps, ces plaisanteries-là, mais il vient un moment où ça craque. Même un crédit comme celui de la Maison Laroche ne résiste pas à des différences de plusieurs millions tous les mois. Il y a quelques jours, un courtier de Londres, à qui il devait une grosse somme, a exigé un règlement. Tiercelin lui a demandé du temps. Le courtier s'est inquiété, a téléphoné pour avoir des renseignements à une banque d'ici où précisément les établissements Laroche avaient un gros découvert. La banque a pris peur à son tour, a refusé le lendemain d'escompter une de leurs traites. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Et hier, quand Tiercelin a vu que tout était perdu et que le poteau rose allait être découvert, il s'est fait sauter. Voilà. Mais est-ce que ça concerne ma belle-mère, tout ça? Si ça la concerne. Mais je t'explique qu'il faisait toutes ces opérations au nom de la société. C'est exactement comme si elle les avait faites elle-même. Alors quoi, elle peut être ruinée? Oh, ruinée, j'en sais rien. Il lui restera l'argent qu'elle peut avoir au dehors, parce que, pour ce qui est de celui qu'elle avait dans la maison, elle peut en faire son deuil. Bertin estime, d'après les premiers renseignements, que le déficit atteindrait 200 millions. Oh, mais... oh. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es malade? Tu as eu un accident? Mais non, papa. Mais dis-moi la vérité. Oh, mais papa... Tu n'as pas lu les journaux? Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu es là. Mais qu'est-ce qui se passe? Tenez, lisez. Oh! Quoi? Oh! C'est ça? Oh, Dieu, j'ai eu peur. Non, papa... Comment? Mais naturellement, moi, j'ai tout imaginé. Je me suis dit, pour qu'on nous téléphone à cette heure-ci, il est arrivé un drame. Oh, c'est bien simple, je m'attendais à tout. Oh, ma chérie, je suis bien content. Eh ben, tu n'es pas difficile. Enfin, je suis content que ce ne soit que ça. J'ai craint tellement pire. C'est déjà pas mal, tu sais. Oh, mais les histoires d'argent, ça s'arrange. Tandis que... Oh, je peux bien te le dire, j'ai cru que tu étais morte. Pauvre papa. Mets-toi à ma place, ce téléphone bizarre de ta femme de chambre, alors que c'est toujours toi qui nous demande en général. Je suis désolée. Ce n'est pas de ta faute, ma petite fille. Mais... Oh, mais mon Dieu, ce que j'ai eu peur. Oh, tu ne peux pas savoir ce qu'a été ce trajet en taxi de Bois-Colombes ici. J'ai cru que je devenais fou. Ta mère essayait de me rassurer, mais elle aussi a eu peur, n'est-ce pas, Suzy? Mais enfin, Jérôme, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Comment se fait-il que la maison Laroche ait fait d'aussi mauvaises affaires sans que personne n'en ait rien su? Mais elle ne faisait pas de si mauvaises affaires. Ah, pourtant, voyez ce que dit le journal. Les journaux ne racontent jamais les choses comme elles se sont passées. La crise n'a rien à voir dans tout ça. Ou du moins peu de choses. Alors? Eh bien alors, Tiercelin était un bandit, voilà. Non. Mais si, il volait pour payer des différences de jeu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors ça, c'est justement pour le savoir que j'ai pris le train. Parce que ça nous intéresse un tout petit peu à mes gens, comme vous devez le comprendre. Eh ben, je pense bien. Les établissements Laroche suspendent leur paiement. Je ne vois pas très bien comment nous pourrons faire face aux nôtres. L'alliance des deux maisons nous maintenait à flot. S'il coule, il va sans dire que nous coulons aussi. Tu vois, hein? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que je vois? Rien. Oh, mon ami, moi je ne suis pas le bon Dieu. Et le bon Dieu seul pouvait prévoir il y a 3 mois ce qui vient de se passer. Oui, mais moi ce que je ne peux pas comprendre, c'est que cet homme ait pu faire tout ça sans que personne l'ait soupçonné. Hein? Que voulez-vous? C'est ce qui arrive quand dans une affaire, les principaux intéressés se composent d'une femme qui ne veut se mêler de rien et d'un garçon qui... Oui, je te demande pardon, Anne-Marie. Oh. Qui est notoirement incapable de se mêler de quelque chose. L'argent, c'est comme les femmes. Pour le garder, il faut s'en occuper un peu. Ou alors, il va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il fait tant que ça, le bonheur? Dit Anne-Marie. Non, papa. Oui, j'en étais sûr. Oui, oui, oui. Enfin, il a tout de même du bon, croyez-moi. C'est pas votre avis, Suzy? Oui. Tu n'es pas heureuse. Dis-moi la vérité. Ça ne va pas avec ton mari. Mais c'est au-dessus de tes forces. Mon pauvre petit. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je te le jure. Maintenant, je ne peux plus. Mais tu n'as pas à t'excuser, ma petite fille. C'était fatal. Ah, tout ça, c'est de ma faute. Mais non, non, c'est moi qui ai voulu. Toi, au contraire, tu étais contre. Mais j'étais contre, oui, mais j'ai laissé faire. Tout le monde le souhaitait. Toi-même, tu avais l'air contente. Mais oui, papa. Alors, je me suis dit qu'après tout, chacun sentait les choses à sa façon et que ce qui me paraissait impossible à moi ne l'était pas forcément pour toi. Moi, je suis un vieux fou, mais toi, tu étais peut-être une petite fille pratique et raisonnable. Oui, je me disais ça, mais au fond, je n'y croyais guère. Tu étais seulement très jeune. Trop jeune pour savoir. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On demande Monsieur Antonin Fort au téléphone. Qui, moi? Monsieur Jérôme. Ah, c'est sans doute Maxime, à qui j'ai dit de m'appeler ici pour me donner des nouvelles. Où est l'appareil? À côté, dans mon petit salon, je vais vous le montrer. Merci beaucoup. Alors, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne vous entendez pas, Bob et toi? Pas très bien, non. Il n'est pas gentil avec toi? Oh, si. Seulement... Seulement quoi? Il n'est jamais content. À quel propos? Tu devines. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Oh, tu sais, c'est souvent comme ça au début du mariage. Et puis, avec le temps, les choses s'arrangent. C'est plutôt le contraire avec lui. Dans les premiers temps, je ne sais pas si je l'intimidais ou quoi... Me laisser un peu plus tranquille. Maintenant, ça devient une idée fixe. J'ai même plus le droit de dormir. Oh, ma pauvre chérie. Veux-tu divorcer? Suzy. Quoi? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Si elle ne peut plus le supporter. Comment tu lui conseilles de divorcer à un moment où les Laroche viennent peut-être de perdre toute leur fortune? Ah, moi, je ne lui conseille pas. Je lui demande ce qu'elle veut faire. Mais réfléchis, voyons de quoi ça aurait-il l'air. Oh, il faudra attendre quelque temps, naturellement, pour qu'on ne puisse pas supposer qu'elle le quitte parce qu'il n'a plus rien. Ah, tu auras beau attendre, c'est tout de même ce qu'on pensera. Alors, si tu aimes mieux qu'elle soit malheureuse et qu'elle perde sa jeunesse auprès de ce pauvre garçon, alors c'est très bien, mon ami. C'est très bien. Ça, par exemple. Comment c'est vous? Tu avais voulu à tout prix qu'elle l'épouse et maintenant c'est moi qui... Ah non, c'est trop fort. De mieux en mieux. Alors, vous avez des nouvelles? De l'affaire Tiercelin? Non. Maxime ne sait que ce qu'il y a dans les journaux. Mais en ce qui me concerne, nous, ce que je craignais, c'est déjà réalisé. La banque nous met en demeure de rembourser notre découvert d'ici la fin du mois. Ou sinon... Et comme il n'est pas question que nous puissions le faire, je crois que cette fois-ci, mes amis, nous sommes liquidés. Ma petite Suzy, je vous conseille de mettre une annonce dans les journaux et de proposer vos services comme dame de compagnie. Quant à Marcel, il pourrait peut-être donner des leçons de dessin, non? Non, si tu savais ce que tes histoires d'argent peuvent me laisser indifférent en ce moment. Eh bien, Tu as de la chance, je te félicite. Oh, vous êtes là, mes bons amis. Vous êtes au courant, naturellement. Oui, oh, nous sommes de tout cœur avec vous, Mélanie. Merci. Bonjour, mère. Bonjour, Bob. Bonjour, père. Bonjour, Bob. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? Vous allez partir là-bas? J'irai pour l'enterrement de ce malheureux, naturellement. D'ici là, à quoi voulez-vous que je serve? Tout ça, pour moi, c'est de l'hébreu. Oui, et c'est assez regrettable, croyez-moi. Ces questions-là m'ont toujours tellement ennuyé. Ah. Quand j'avais besoin d'argent, j'en demandais à Tiercelin. Il m'en donnait autant qu'il m'en fallait. Bien, parbleu. Je trouvais ça très agréable, et je ne cherchais pas plus loin. Vous voyez le résultat? Eh oui. Quand Bertin repart-il? Tout de suite. On a besoin de lui là-bas pour l'enquête. Ah, je pense que vous m'approuverez. Je l'ai chargé de dire au procureur que tout ce que j'avais en dehors de l'affaire, ma fortune personnelle, mes valeurs, mes maisons, je ne conservais rien. J'abandonnais tout pour essayer de sauver la société. Vous lui avez dit ça? J'ai eu tort? Non. Au fond, non, vous avez bien fait. Mais n'est-ce pas? Vous avez bien fait de le dire, naturellement. Mais il ne faut pas le faire. Comment? Vous n'avez pas l'intention de le faire, j'imagine. Mais si! Hein? Mais je ne peux pas agir autrement, mon bon ami. Il paraît que si nous sommes obligés de demander la liquidation, la plupart de nos agents et de nos sous-agents vont se trouver dans une situation tragique. Je ne peux pas être responsable de la ruine d'un tas de gens et continuer à vivre dans l'opulence. Vous ne trouvez pas, Marcel? Ben, il est certain que... C'est ce que vous feriez si vous étiez à ma place. Ben, il me semble, oui. Ah, vous voyez, Jérôme? Alors, c'est parfait. Du moment que vous avez l'approbation de Marcel, je n'ai plus qu'à me taire. Tout ça va fort bien. Enfin, quel est votre avis à vous? Oh, cher ami, mon avis, je vous demanderai la permission de le garder pour moi. S'il vous plaît, d'entasser folie sur folie, c'est votre affaire. Il y a ici quelqu'un qui pourrait protester, qui aurait peut-être le devoir de protester. C'est le père d'Anne-Marie. Moi, je ne suis que son oncle. Je n'ai qu'à me taire. Je trouve que Mélanie ne doit prendre conseil de personne et agir à son idée. Ça ne nous regarde pas. Bon. Entrez. Oh, c'est Jean-Pierre. Alors, tu sais ce qui est arrivé? Eh bien oui, nous venons de voir ça en sortant du studio, alors je suis venu tout de suite. Bonjour, Jean-Pierre. Ah, tiens, vous êtes là, oncle Jérôme? Bonjour, mon petit. Est-ce que c'est aussi grave que les journaux le disent? Ça l'est encore beaucoup plus. Sans blague. Alors, la mouise? La mouise, comme tu dis. Ah, oh, ça c'est roulant. Ah bah tu trouves, toi. Ah oui, par exemple. En Saint-Marie, tu vas alors devenir une prolétaire, comme moi. Oui. Non, on n'en meurt pas, tu sais. N'exagérons rien. Je suppose qu'on ne nous laissera pas mourir de faim. Qui? On? Eh bien, je ne sais pas, moi. Les créanciers. Quand ils verront que j'ai donné tout ce que j'avais et qu'il ne me reste plus rien. Et je veux vous imaginer qu'ils vont vous servir une rente? Enfin, quelque chose comme ça. Non? Oh, peut-être bien. Et puis peut-être aussi que le gouvernement ouvrira pour vous une souscription nationale et qu'on mettra votre buste au Panthéon. Qui sait? Ne vous moquez pas de moi, Jérôme. C'est monstrueux. Comment? Monstrueux, je vous dis! Ils doivent s'étrangler d'indignation dans leur tombe et de la roche, s'ils voient ce qui se passe. Ils vous maudissent, vous entendez? Ils vous maudissent et ils vous renient, tous, tant qu'ils sont, du premier au dernier. Jérôme! Mais d'abord, vous n'êtes pas une lâche. Vous êtes une Montaigu. Et ça se voit. Si vous aviez dans les veines la plus petite goutte de sang à La Roche, vous n'auriez pas fait ce que vous avez fait depuis 15 ans, que pour le malheur des établissements de La Roche, vous avez hérité les actions de votre mari. Mais... Non, vous, mon petit, fichez-moi la paix, n'est-ce pas? Si vous étiez une La Roche, une vraie, vous tiendriez de vos ancêtres le respect qu'ils ont eu pour l'argent. Oui, pour l'argent. Ne le jetez pas par la fenêtre, eux. Et ne le gaspillez pas comme vous, en gestes inutiles. Ils savaient que c'était dur à gagner. Et que ça valait la peine d'être conservé, quand ce ne serait que par égard pour leur prédécesseur qui s'était échiné à le faire entrer dans la caisse. Ils ne s'amusaient pas, ces gens-là. Ils passaient pas leur temps à chercher comment ils pourraient bien se distraire. Ils travaillaient. Il faut choisir dans la vie entre gagner de l'argent et le dépenser. On n'a pas le temps de faire les deux. Eux, ils choisissaient de le gagner. Ils prenaient des femmes de leur espèce, des femmes qui leur ressemblaient, des femmes laides et ennuyeuses, peut-être, mais sages, économes et capables de tenir une maison. Pas des amoureuses, bien sûr, ni des mondaines assoiffées de réception, des épouses, des mères, des associés. Leurs enfants n'étaient pas toujours très beaux et leur intérieur manquait de charme. Qu'est-ce que ça fait? La maison, on y va manger et dormir. Pour se distraire, il y a le bureau. Voilà ce que c'était que les de la Roche. Ils étaient riches. Ils le méritaient. Comme vous méritez d'être pauvres. Ou qui leur ressemblait si peu. On dira, vous êtes une victime de la crise. Que c'est la crise qui vous a ruiné. Oh, allons donc. La Roche avait tout prévu. Même les crises. Et leur maison devait y résister. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est qu'il y aurait un jour quelqu'un comme vous pour leur succéder. Il a raison, vous savez. Tout ça vient de ce que je n'ai jamais vraiment aimé, l'argent. Il n'y a pas de quoi vous en vanter. Mais je ne m'en vante pas. Mais si, vous trouvez que ça faisait bien? Que ça faisait élégant? Oh, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Allez, il y en a beaucoup comme vous. Et c'est de ça que la bourgeoisie est en train de crever, vous entendez? C'est d'être devenue dépensière, prodigue, désintéressée. Les bourgeois ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits pour être avares et pour avoir de l'argent. Le jour où ils n'en ont plus, ils sont inutiles. Ils n'ont plus qu'à disparaître de la circulation. Toi, tu crois qu'il n'y a que l'argent qui ait de la valeur? Et moi, je pense que d'autres choses en ont aussi. Quoi, par exemple? Je ne sais pas, moi. La santé, le bonheur, l'amour. Ça met du pain au garde-manger, tout ça? Peut-être pas, mais ça permet de penser à autre chose. Poète, va. Et pendant que tu penseras à autre chose, qu'est-ce qui nourrira ta femme et tes enfants? Ne vous en faites pas pour les enfants, mon oncle. Ils se tairont d'affaires tout seuls. Mais toi, peut-être. Mais elle? Ben, elle aussi. Elle surtout. Ça, c'est toi qui le dis. Mais le cinéma, qu'est-ce que tu en fais? La proposition de Malinowski tient toujours, tu sais. Quelle proposition? Il veut la faire débuter au cinéma. Non! Mais il me l'a encore dit il y a 5 minutes, en m'accompagnant ici. Si ta sœur est fauchée, qu'elle veuille tenter sa chance à l'écran, qu'elle vienne me trouver. Il t'a dit ça? Mais naturellement. C'est même malheureux que cette histoire ne soit pas arrivée plus tôt. Ils partent ce soir pour tourner les extérieurs à Corfou. Il y a une scène de planking que Ginette Astaire ne peut pas tourner parce qu'elle ne sait pas nager. Il t'aurait emmené? Tu crois? Mais pourquoi pas? Qu'est-ce que c'est que ce Malinowski? Malinowski? Ah, c'est le premier metteur en scène d'Europe. Il a de la surface? Lui? Ah, il a tout l'argent qu'il veut. Ses films sont toujours vendus avant d'être commencés. Alors vous pensez si les compagnies le recherchent? Et il veut faire débuter Anne-Marie au cinéma? Oui, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il eut cette idée. Déjà au mois de juillet, il lui avait proposé. Mais dites-moi, ça peut être très intéressant, ça! Je pense bien. Pourquoi n'essayeriez-vous pas, ma chère petite? Mais j'ai bien l'intention d'essayer, maintenant. Non! Comment non? Non, je ne veux pas. Ne sois pas ridicule, veux-tu, Bob? Je ne veux pas qu'elle fasse du cinéma. Vous serez peut-être bien content grâce à ça de ne pas crever de faim. Non, je ne veux pas. Mais dites donc, mon garçon, pour défendre à sa femme de gagner sa vie, il faudrait commencer par être capable de la gagner pour elle, vous ne trouvez pas? Jérôme a raison, Bob. Nous n'avons plus maintenant, ni toi ni moi, le droit de faire des difficiles. D'ailleurs, il n'y a absolument rien de déshonorant à ce que ta femme fasse du cinéma. Parbleu. Mais Ne sois pas ennuyeux, veux-tu? D'ailleurs, il est temps d'aller t'habiller. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que je peux avoir besoin de toi. Tiens, tu vas commencer par aller trouver ton ami Héricourt et lui commander ta nouvelle voiture. Oh! Quoi, oh? Tu n'as pas compris que nous n'avions plus d'argent? Il croyait que c'était une farce? Sacré Bob, va. Allez, lève-toi et va t'habiller. Hé, hey, plus vite que ça. Vous, je... Quoi? Je ne vous parle pas. Bob, voyons. Ne lui en veuillez pas, c'est un enfant. Hey, je ne lui en veux pas. Jean-Pierre. Quoi? Tu ne pourrais pas lui téléphoner à Malinowski? Pourquoi? Pour lui dire que s'il veut, je suis prête à partir pour Corfou. Ce soir? Oui. Bah, c'est peut-être un peu tard maintenant. Mais c'est, je t'en supplie. Pourquoi? T'as une raison? Oui, je t'expliquerai. Oui. Bah, je peux toujours lui demander. Merci. Où est le téléphone? À côté, dans mon petit salon. Où va Jean-Pierre? Il va téléphoner à Malinowski pour lui demander s'il veut m'emmener à Corfou. Mais tu n'y penses pas, Anne-Marie. Pourquoi? Mais Jean-Pierre vient de te dire qu'il part ce soir. Eh bien oui. Justement. Ah. Il a raison. Pourquoi ne pas profiter de l'occasion? Ben, tu ne peux pas partir seul, en tout cas. Pourquoi? Ben, parce que ce ne serait pas convenable. Il n'y va pas, Jean-Pierre? Mais non, ce sont des extérieurs. Emmenez Bob! C'est ça qui serait gentil. Non? Vous n'y tenez pas. Bon. Je vais vous dire, mère. Ne me dites rien du tout, ma chérie. Mon idée était stupide. D'ailleurs, j'ai absolument besoin de Bob ici. Vas-y, toi, Marcel. Et moi? Voilà une bonne idée. Oh oui, envoie mon petit papa, on dit que tu veux bien, je t'en supplie. Oh, mais ma petite fille. Ah, eh bien. Eh bien, c'est entendu. C'est vrai? Mais seulement, il demande si tu es décidée. Parce qu'il faut qu'on prenne ton billet. Dis-lui que je suis absolument décidée, mais qu'il faut qu'il emmène papa. Pourquoi faire? Comme chaperon. Ah, ça, demande-lui toi-même, je ne m'en charge pas. Bon, ben, je vais lui demander. Ah, mais non, je ne veux pas, mais... Pourquoi, Marcel? Mais parce que je ne veux pas, n'est-ce pas, Suzy? Quoi? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que tu meurs d'envie d'y aller, voilà ce que je pense. Qui, moi? Oh, tu crois que je ne connais pas ta figure, peut-être, hein? Ça y est, alors, il veut bien. Il emmène ton père? Oui, oui, oui, il a été adorable. Il m'a dit que c'était contraire à toutes les règles, mais qu'il n'avait rien à me refuser. Oh, c'est gentil, ça. Oh, tu entends, papa? Nous partons tous les deux, tu te rends compte? Oui, même ma petite fille. Oh, tu n'es pas content? Oh, je veux dire que tu n'es pas content. Moi, c'est bien simple, je suis folle de joie. Mon mari, voyons. Oh, pardon. C'est vrai, mère, je ne pensais plus. Ne vous excusez pas, ma chère petite. Mère. Et maintenant, je vous quitte. Il faut que j'aille m'habiller, moi aussi. Est-ce que je vous reverrai, Jérôme? Je ne pense pas. J'ai un train dans 3 quarts d'heure. Je vais m'en retourner. Voulez-vous que la voiture vous conduise à la gare, puisque j'ai encore une voiture? Merci. J'irai à pied. Ça me fera du bien. Alors adieu, mon bon ami. Je mérite tout ce que vous avez dit, mais gardez-moi tout de même un peu d'amitié. Non? Mais bien sûr. Vous ne partez pas encore, Marcel? Oh, pas tout de suite, n'est-ce pas, Suzy? Non, nous allons rester un peu avec Anne-Marie. Et nous passons vous dire adieu en descendant. Vous me ferez plaisir. Merci, mère. Ne me remerciez pas, ma chérie. Votre oncle vous a expliqué que je n'avais aucune des qualités de la véritable bourgeoise. C'est bien le moins que j'essaye de ne pas en avoir les défauts. Oui, elle a tout de même de l'allure dans tout ça, Mélanie. C'est exact. Malheureusement, c'est un luxe qui coûte cher, l'allure. On ne peut pas se l'offrir longtemps. Vous partez déjà, mon oncle? Oui, il est temps. Au revoir, Suzy. Au revoir, Jérôme. Embrassez Charlotte pour moi. Merci. Et bon courage. Oui, oui. Allez, au revoir, Marcel. Au revoir, Jérôme. Et tu sais, toutes mes excuses. J'ai longtemps cru que de nous deux, tu étais le fou et que j'étais l'homme raisonnable. Je m'aperçois que c'est tout le contraire. J'ai passé ma vie à m'embêter, à refuser tout ce qui était agréable et à accepter tout ce qui ne l'était pas. Toi, tu te l'es coulé douce. Tu n'en as jamais fait qu'à ta tête. Résultat, nous sommes tous les deux dans le pétrin. Seulement moi, j'ai beaucoup de chance d'y rester. Tandis que toi, avec cette gosse-là, tu t'en tireras toujours. Tu m'as l'air d'avoir pris une assurance tout risque contre les petits ennuis de l'existence en la mettant au monde. Bravo. Oh, je n'ai pas fait exprès. Tu sais, je n'ai pas pensé à ça. Bravo tout de même. Sans le savoir, tu as joué la bonne carte. Tu as misé sur une des dernières valeurs or qui reste. La beauté. Bon, là-dessus, je vous quitte. Je vais prendre mon train. Au revoir, Jean-Pierre. Et je descends avec vous, mon oncle. Au revoir, Greta Garbo. Attendez, pas encore. Hein, dépêche-toi. La beauté aussi, ça n'a qu'un temps. Pauvre oncle. Je voudrais tant faire quelque chose pour lui. Qui sait, ça viendra peut-être un jour. Oui, mais en attendant, tu ferais bien d'aller t'habiller, toi. Oui, oui. Ah, oh, est-ce que je suis contente de partir? Ah, ben, c'est gentil pour moi, ça. Oh, non, pardon, maman chérie. Oh, Bob, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Quoi? Asseyez-vous. Et écoutez-moi tranquillement, sans vous énerver, sans faire de drame. Mais pourquoi ferait-il un drame? Il n'y a pas de raison. Je pars ce soir avec papa pour Corfou. Pour Corfou? Malinowski m'emmène pour tourner une scène de planking. Non. Comment non? Non, je ne veux pas. Ne soyez pas ridicule, Bob. C'est une occasion inespérée de tenter ma chance, je n'ai pas le droit de la refuser. Mais il comprend très bien, n'est-ce pas, Bob? Non, je ne veux pas. Vous ne soyez pas fier que j'ai du succès, que je devienne une star? Non. Je peux gagner beaucoup d'argent, vous savez, si je réussis. Mais je pense bien. Tant que vous avez eu de l'argent, vous m'en avez donné. Bien maintenant, ce sera mon tour. Vous ne savez pas? La première somme que je toucherai, ce sera pour vous faire un cadeau. Vous voulez? C'est gentil, ça, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? De quoi avez-vous envie? Oh, moi, je sais. Il a envie d'un briquet, comme celui d'Armand, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez? Non. Alors quoi? Je ne veux pas que vous partiez. Mais il faut que je parte. Malinowski a besoin de moi. Alors je veux y aller aussi. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de place. Voyons, Bob, soyez raisonnable. Elle ne part pas pour tout. Oh, mais non, je pars pour une quinzaine de jours peut-être. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça, 15 jours? Mais qu'est-ce que je ferais, moi, pendant ce temps-là? Eh bien, vous resterez auprès de votre mère. Vous l'aiderez? Elle va en avoir des choses à faire, la pauvre. Vous ne voudriez pas l'abandonner dans un moment pareil? Non, je suis sûre que même si on vous le proposait, vous ne le feriez pas. Si. Ça m'étonne de vous, Bob. Je veux aller avec vous. Mais puisque ce n'est pas possible... Oh, écoutez, j'ai une idée. J'emporterai votre petit appareil de prise de vue et je filmerai tout notre voyage à votre intention. Le train, le bateau, notre installation là-bas, et puis les scènes du film, Malinowski en train de nous faire tourner, enfin tout. Vous aurez tout ça pour vous tout seul. Ça sera comme si vous y étiez vous-même. Hein? Qu'est-ce que vous en dites de mon idée? Non. Vous ne saurez pas. Mais si, je saurai. Non, c'est trop difficile. Bien, vous ne savez pas ce que vous allez faire? Vous allez aller chercher votre appareil, vous préparerez tout pendant que je m'habillerai, et tout à l'heure, quand je serai prête, vous me montrerez comment on s'en sert. Voulez-vous? Il faudrait faire un essai. Nous ferons tous les essais qu'il faudra. Nous irons dans le jardin, tenez. Et nous prendrons papa en train de jouer avec le barzeuil. Tu veux bien, papa? Oui, ma petite fille, oui. Voilà. Allez vite préparer l'appareil. Et aussitôt que je serai prête, nous descendrons dans le jardin. Hein? Allez. Ouf, ça s'est mieux passé que je l'aurais cru. Maman, viens avec moi pendant que je m'habille, veux-tu? Oui, tu me diras ce qu'il faut que j'emporte comme robe là-bas. Il va faire chaud à Corfou. Qu'est-ce que tu crois, papa? Toi, à Corfou? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air ennuyé. Oh, mais non. Enfin, tu n'es pas content de partir faire un beau voyage avec ta petite fille, mais pense un peu. Corfou, la Grèce. Moi qui ne connais même pas la Méditerranée. Oh, si maman avait pu venir. Oh, vous passerez de moi tous les deux. Allez. Ah non, c'est méchant ce que tu dis. T'écriront tous les jours, n'est-ce pas, papa? Oui, ma petite fille, oui. Est-ce que tu vas aller t'habiller, oui? Oui, mais je veux que papa m'embrasse d'abord. Oui. Ah, bah, pas mieux que ça? Mais si. Ah, oh, mon Dieu, tu la reverras, ta Suzy. On va pas te la prendre. Tu ne peux donc pas te passer d'elle. Mais si, ma petite fille, allez, va t'habiller. Oh, les amoureux, qu'elle te plaît. Remonte-le un peu, je t'en prie. Je vous adore. Allez. Pourquoi fais-tu cette tête? Je ne fais pas de tête. Oh, long, voyons, je te connais, c'est à cause de Bob, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui te tracasse? Mais je n'aime pas qu'il soit malheureux. Mais il n'est pas malheureux. Si. Mais non, rien ne marque profondément sur un cerveau comme le sien, c'est un enfant. Pas tant que ça. Mais je t'assure que si, va. Dans 2 jours, il n'y pensera plus. Oui, tu arranges ça. Aimes-tu mieux que ce soit elle qui soit malheureuse? Non. Alors? Oh, pourquoi sommes-nous allés à Tuileries cet été? Ah, tout non, est sorti écoute, tu ne vas là. Pas recommencer. Tiens, voilà Bob. Anne-Marie est en train de s'habiller, Bob. Elle ne va pas tarder. Oh, le bel appareil. Quelle merveille. Eh bien, je suis sûre, quand vous lui aurez montré à s'en servir, elle réussira. Ah, ça, je ne dis pas aussi bien que vous, mais presque. Allez, je vous laisse tous les deux. Je vais aller la secouer pour qu'elle se dépêche. Oui. Je vous aime bien, mon petit. C'était Comédie française et théâtre contemporain, une émission de la Société des comédiens français, présentée et réalisée par Jacques Régnier. Ce soir, nous vous avons présenté « Les temps difficiles », pièce en 4 actes d'Édouard Bourdet. Avec le concours de messieurs Louis Seignier, Jérôme, Robert Hirsch, Bob Laroche, Bernard Dérand, Armand, Marco Béard, Cyprien, François Vibert, Marcel, Jean-Louis Gemma, Jean-Pierre, Simon Haine, Maxime, Michel Duchaussois, le récitant. Et de mesdames Germaine Rouer, Suzy, Claude Winter, Anne-Marie, Suzanne Nivette, Madame Antonin Faure, Jeanne Boitel, Charlotte, Marthe Alicia, Mélanie, Maria Fromet, Loulou, Denise Pezzani, Julie. Chef opérateur du son, Madeleine Sola et Jean Pantaloni. Collaboration technique, Pierre Courageau. Bruitage, Philippe Véraud. Assistante, Yvette Tuchman.